L'objectif est clair, anéantir définitivement l'État islamique sur place. Les combats s'annoncent longs et violents avec de nombreuses pertes civiles. 1 million de personnes vivent sur place. 10 000 djihadistes seraient mobilisés pour défendre leur position. Un déplacement passé à la loupe pour François Hollande. L'accueil du président risque d'être glacial à Florange en Moselle, sur le site de l'usine ArcelorMittal. C'est là qu'il avait fait une partie de sa campagne auprès du monde ouvrier. Les hauts fourneaux qui fabriquent de l'acier ont été fermés il y a 3 ans. Les syndicats appellent à une mobilisation dès ce matin. Le chef de l'État estime tout de même avoir tenu ses promesses. Il rappelle dans le Républicain Lorrain que tous les salariés ont été reclassés et que personne n'a été licencié. Toujours beaucoup de questions à Angers après l'effondrement d'un balcon. Dramatique accident qui a coûté la vie à 4 personnes et en a blessé 14 autres samedi soir. La chute du balcon a entraîné la destruction des 2 autres qui se trouvaient en dessous. Des experts en construction ont été mandatés par la justice. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Une 50aine de cellules inutilisables à la prison d'Eton en Savoie. Conséquence d'une mutinerie qui a éclaté hier en fin d'après-midi. Des détenus ont mis le feu à des matelas et l'incendie s'est propagé rapidement. Personne n'a été blessé. Le calme est revenu dans la soirée. Un petit rappel, si vous êtes propriétaire, c'est le dernier jour pour payer la taxe foncière. Vous avez jusqu'à ce soir minuit ou jusqu'à samedi si vous payez via internet. Et puis du foot avec la fin de la 9e journée de Ligue 1. Marseille s'offre une victoire pour son dernier match sous l'ère Louis Dreyfus. Le club phocéen changera officiellement de main aujourd'hui puisque le nouveau patron s'appelle Frank McCourt. Victoire 1-0 contre Metz grâce à un but signé Bafétimbi Gomis. Match nul, 1-1 entre Rennes-Bordeaux et Saint-Étienne-Dijon. Au classement, Nice creuse l'écart en tête avec 4 points d'avance tout de même sur Paris. Monaco est 3e devant Toulouse et Guingamp. Et merci Rémi pour les infos, les premières de la journée de cette semaine. Ouais. On va te retrouver, excuse-moi, je finis le café. Oui. On te retrouve dans une demi-heure. On a pris des forces, on est là, il est pile 6h du matin sur Skyrock. On vous souhaite une bonne journée, c'est parti, c'est lundi. Le petit déj de l'équipe. Difool, jus d'orange, café, protéines, Red Bull, vitamines, coca. Cédric, kebab, beurre de cacahuète, beurre, chips, frites, Nutella, fromage, hamburger. Cariole, thé, salade de fruits, fromage blanc 0%. Menteuse. Romano, rien, ça coûte trop cher le petit déj. 6h-9h. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Et voilà, on est prêt pour une nouvelle semaine. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Que vous avez passé un bon week-end. Bonjour Romano. Bonjour, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Ça va, Sam, ça va. Ça va, ça va. Cariole. Oui. Ah, je te voyais déjà sous la table. Je me suis dit, il est très très en forme. Comme d'hab. Ça va bien. Bah oui, c'est lundi. Lundi matin sur Skyrock avec une nouvelle semaine qui démarre et des places pour aller voir Nekfeu et Escrew. Ce sera dans la roulette avec vos 1 500 €. Ce sera toutes les demi-heures et ça va démarrer dès 6h30. Inscrivez-vous au 7-20-20. Vous envoyez 1 500 au 7-20-20 si vous voulez augmenter vos chances de gagner. Premier rendez-vous donc à 6h30 tout à l'heure. On dit bravo à tous nos gagnants, à toutes nos gagnantes de la semaine dernière. Il y en a eu un paquet. Ah bah un paquet, ouais, regarde. Vendredi, que des filles. Manel à Nice, Jessica à Chartres, Quentin jeudi à Besançon, Émilie à Amiens. C'est peut-être tombé près de chez vous la semaine dernière. Hein. Julien à Firmini, ça c'est près de chez moi, dans le 42. Rosario également à Châtenay-Malabry dans le 92. On dit bravo à Romero. À Roméo, c'est comme ça qu'on dit. Hein. C'est Roméo, oui. Toi, tu es Romano et c'est Roméo qui a gagné la semaine dernière. C'est ça. À Alon dans le 60, bravo à Aurore de Quimper, à Flavie de Caen et à Yacine d'Orléans. Et peut-être bravo à vous d'avance. Hein. C'est peut-être prémonitoire, on vous appellera tout à l'heure à 6h30, 1 500 € à gagner si vous répondez Skyrock. Sinon, plein de choses à faire ce matin. On va retrouver notre réveil de star avec un des scandales de ce week-end. Et oui, la France a été secouée par le scandale Jean-Michel Maire. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Jean-Michel Maire a embrassé un saint alors que la dame avait dit non. Et ça a fait un scandale. Le CSA est saisi des plaintes. Mais comme s'il en pleuvait. Ah bah, et puis je suis bien sûr que t'as quand même 99% des gens qui en parlent qui ne l'ont pas vu parce que c'était Regarde Cariole. Je crois dans la nuit de jeudi à vendredi ou de vendredi à samedi à 2h du matin. Tu as raison, à 2h du matin dans la nuit de jeudi à vendredi, Romano. Si, oui, c'est dire. Oui, et bien pour fêter ça, on va retrouver Cyril Hanouna là dans le instant. Mais elle a parlé la dame, ouais. La prod de Cyril Hanouna qui lui a filé un petit peu de thunes. Ouais, vas-y, dis que c'était super quand Jean-Michel Maire t'a embrassé. Non, mais je pense qu'elle comprend rien, elle. Tu nous avais expliqué, Romano, pour cette grande affaire qui a eu lieu dans Touche pas à mon poste, hein, tu nous avais expliqué en exclu total que la dame ne comprenait absolument rien à ce qui se passait. Non, mais c'est une teubée finie, mais bon. Attention, Romano, tu vas avoir des problèmes, hein, méfie-toi. Non, mais elle comprend pas. Elle comprend pas. Ah, bah, ça va, là. Bon, dans un instant, on va fêter ça avec un réveil de star, Cyril Hanouna. C'est Cyril Hanouna. Eh oui, c'est toi. Cyril Hanouna, l'homme des 35 heures de suite. voilà, ah, la si télé. Vous n'en avez pas eu assez à la télé. Vous allez en bouffer un peu à la radio ce matin, ouais. Cyril Hanouna qui réveille les familles de France en ce lundi matin. On va voir ce que ça nous donne tout ça. Tout à l'heure à 6h20, on jouera ensemble avec un invité mystère. Un invité mystère très célèbre à découvrir et qui vous permettra peut-être de gagner votre, console. iPhone 7. Non, c'est après l'iPhone 7. Ah oui, l'iPhone 7, oui, à 7h20. Ouais. On commence pas la console, on finira l'iPhone 7 après. La console, c'est la PS4 Slim. Bref, on va vous gâter aujourd'hui et puis on va faire les comptes tout au long de la matinée. Et puis vos messages, tiens, je vous ai pas donné le numéro pour nous joindre. Je dis ça notamment pour les nouveaux qui nous rejoignent tous les matins. Vous allez sur le 41-759 et vous faites comme Fab qui nous salue. Como está, il nous dit. Bueno. Muy bien. Comment est-ce que Quinda Bueno, ça va ce matin. Bien. Bonjour à Sage du 33. Il y a Kaline qui nous fait un petit coucou. Alex Sol du 44. Tijos, Mathias, Arnold Boss, 17 ans, John, qui nous dit je suis là pour une nouvelle journée. Eh ben, ça fait plaisir de voir que vous êtes là ce matin. Venez faire l'écho avec nous. On parlera de plein d'autres choses, mais on aura l'occasion d'en reparler dans un instant. Les conseils pas chers à 6h40. Bien sûr. Et puis du son pour se réveiller. On a prévu pour vous Drake, qui sera en concert avec Skyrock l'année prochaine au mois de mars. Pitbull et Florida retrouvés avec Green Lights. Les Black Eyed Peas pour un souvenir. Ce sera Where is the Love. Et tout de suite, Alonso et Binta. C'est pour démarrer cette journée. Le gros son d'Alonso. Et puis dans un instant, on retrouve. C'est qui qu'on retrouve? C'est le Pakistanais à l'appareil. Ah, petit blagueur, je t'ai reconnu. C'est Cyril Hanouna. C'est Cyril. Ouais. En direct de 6h à 9h. C'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, sous bout. On appelle de la nuit, c'est une bomba, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les hommes sous son blabla. Elle provoque des bagarres, car elle est dans le cœur de tous mes scars. De Marseille à Paname, on lui veut la part des ans comme ça. J'ai bien capté ses manigances, elle ne m'emmènera pas dans sa douche. Elle voit que le côté finance, un euro tu n'as pas, elle trace sa route. Le smic est resté assez minable, elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Elle vit la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les hommes sous son blabla. Elle provoque des bagarres, elle est dans le cœur de tous mes scars. De Marseille à Paname, on lui veut la part des hommes comme ça. sur Skyrock. C'était Alonso. Bon réveil et bonne journée sur Sky à 6h08. On va retrouver le réveil de star du jour. On vous a demandé la semaine dernière avec quelle star vous aimeriez réveiller les Français. Merci pour la liste que vous nous avez laissée. On a pratiquement toutes les stars de France. Ouais, c'est vrai. Il y a même qui ont voté pour Patrick Sébastien. Alors là, je voudrais quand même. C'est génial. Je voudrais remercier Khalid qui a voté pour Patrick Sébastien. Essayez. Il va bien réveiller les familles. On va essayer, Khalid. Oui, c'est vrai parce que Patrick Sébastien pourrait chanter le petit bonhomme en mousse dans Skyrock. C'est pas souvent qu'il nous l'a fait. Une petite pipe avant d'aller se coucher, tout ça. Une petite pipe avant d'aller dormir. C'est une de ses chansons magnifiques d'ailleurs. Il a un répertoire exceptionnel. Oui, c'est vrai. C'est bizarre qu'il n'ait pas eu de problème avec le CSA, lui. Tiens. Non. Cyril Hanouna est en pleine tempête à cause de, entre guillemets, c'est ce qu'ils disent. L'affaire Jean-Michel Maire. Soraya, je crois. Tu vois alors Soraya est une dame qui était venue à l'émission qui ne comprenait pas grand chose, a priori. Non, mais rien. Mais elle parlait peut-être pas français non plus. Non, mais si, elle parlait français. Parce qu'à un moment donné, elle a quand même dit oui, bonjour. Ah, bah donc elle était française, très bien. Non, mais je savais pas, Romano. Par contre, elle a un chirurgien. Esthétique. Hein? Esthétique. Ah, bah là, le mec, il a pas été avec le dos de la cuillère, comme on dit. Cette charmante Soraya, donc, était dans l'émission à 2h du matin, jeudi soir. Ouais. Dans les 35 heures de Baba, les 35 heures de Cyril Hanouna. À ce moment-là, Jean-Michel Maire, à 2h du matin, à l'autre, d'habitude, il est en boîte, en train de se tripoter des meufs de partout. Il a pas pu résister. Il s'est pointé vers Soraya et il s'est mis à lui dire, je peux t'embrasser sur la bouche. Alors là, Soraya a dit, non. Juste après, il lui dit, je vais t'embrasser. Là, au début, non, elle avait pas la parole. Elle bougeait juste la tête. Et puis à ce moment-là, Jean-Michel Maire n'a pas pu se retenir et il l'a embrassé sur le haut du sein. Oui. Et voilà. Il a pas non plus défait le soutien-gorge. Et ça, c'est le scandale, dans la France entière. C'est-à-dire que la ministre des droits de la femme a crié à l'agression sexuelle. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah bah les gens ont porté plainte auprès du CSA. Le CSA dit qu'il attirerait la mort. Il y a eu des signalements auprès du CSA. Voilà, et ouais, des scandales. Plus de 250. T'as Éric Zemmour qui parle tous les matins sur RTL, ça dérange personne, il dit des obscénités, des trucs ignobles. Par contre, un petit bisou sur le sein de la dame, bon, ça se fait pas, hein, on est d'accord. Faut qu'elle dise oui. C'est pas la peine de nous en faire 3 jours avec non plus, hein. Donc ce matin, on a décidé de réveiller les familles de France avec Cyril Hanouna, qui va gérer. Non, Jean-Michel Maire, on va pas le prendre parce que. Ah bah il fait peur aux gens. Il fait peur. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Il fait peur aux femmes. Ouais. Vous voulez les extraits? Allez, vas-y. Je passe les extraits de l'émission Touche pas mon poste. C'était donc dans le super Touche pas mon poste qui a duré 35 heures. Ça devait être bien ça aussi, tiens. C'était long. Ah, pendant 35 heures à la suite, ouais. Bravo Cyril Hanouna, t'as eu du courage. Écoutez ce qui s'est passé à la télé. Est-ce que ça vous dirait d'embrasser Jean-Michel Maire? Bah oui, évidemment. Elle a dit oui. J'ai dit non. Ah. En plus, c'est Cyril Hanouna qui demande. Oui, c'est lui qui demande au début. Elle a dit... pour quel motif, s'il vous plaît? Il y a une personne qui me regarde. Il y a quelqu'un qui vous regarde? Ah, oui. Bah, on peut faire ça en coulisses. Hein. On peut faire ça en coulisses. Non, mais Jean-Michel Maire, de toute façon, elle avait une paire de roploplo, mais des trucs qui étaient plus gros que sa tête. Jean-Michel Maire, mais t'aurais dit une bête, quoi. Limite, il avait la biroute à la main, quoi. Ah ouais, elle a dit oui. Et écoutez ce que ça donne. Juste un smack. Voilà, c'était le petit smack sur le sein. Ouais, en fait, il lui fait la bise et le dernier, il lui fait sur le néné, quoi. Ouais, c'est ça. Les filles, dites-nous comment vous aurez réagi. Je vois le message de Gaëlle de Toulouse, 34 ans, qui dit « Moi, il aurait pris une droite directe. » Ah bah moi, j'aurais peut-être fait la même chose aussi. Hein. Cariole, elle aurait dit oui parce que elle le trouve très séduisant, Jean-Michel Maire. Non, c'est pas vrai. Oh mon Dieu. Bon, laissez-nous vos messages, les filles. Comment vous aurez réagi si Jean-Michel Maire vous embrassait le haut du sein, hein, parce qu'il n'a pas arraché le soutien-gorge ou le Ah non, ouais. C'était vraiment haut, c'était limite vers la clavicule. En même temps, elle avait pas grand chose, donc il n'y avait pas moyen d'enlever. C'est vrai qu'elle avait pas grand chose à enlever. Le problème, c'est qu'elle avait été tellement gros sein, la robe n'était pas du coup, elle n'était plus à sa taille. Donc ça dégueulait de partout, quoi. Bon, on va fêter ça avec le réveil de star Cyril Hanouna ce matin. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de star sur Skyrock. Et Cyril Hanouna qui réveille la famille d'Olivier ce matin. Eh oui. Allez. On a appelé Olivier avec Cyril Hanouna, on va voir ce que ça donne tout de suite. Allez, c'est parti mon kiki. C'est dans le morning sur Sky. Ah. Allô? Allô? Oui. Comment ça va? C'est qui? Je suis un petit peu votre chevalier servant. C'est-à-dire? C'est Cyril. Cyril. C'est Cyril Hanouna. Oui, bien sûr, le mec de la télévision aussi. Ah oui. Oui, et pourquoi vous nous appelez? Pourquoi vous avez choisi de vendre des sextoys? Pourquoi j'en ai... Et maman, votre gueule, vous l'avez eu? On reste correct. Et maman, ta gueule, elle va être correcte aussi? Vous avez déjà fait l'amour avec des menottes, vous? Ça peut te faire. Olivier! Attendez, je vais vous le passer, il est là. Ah ouais. Parce que là, je vois pas c'est qui là. Oui, madame Bovary. Je vois pas c'est qui là, je le passe. Ouais. Allô, allô. C'est qui? C'est le Pakistanais à l'appareil. C'est Cyril? Bah oui. Hein, Pakistanais. Ah oui, ça je vous le dis, oui, oui. Et pourquoi t'appelles? Je suis juste content. T'es content? Ah ouais. Même si tu comprends rien, tu fermes ta gueule. Ouais. Quel est ton plus grand fantasme? Des lesbiennes. Ah non, mais vous rêvez ou quoi? Pour sérieux. Je rigole pas. C'est quoi ton plus grand fantasme? C'est de lécher les boules de Motus. De Motus? Tout simplement. Bon, on va peut-être arrêter là quand même. Quoi, pourquoi? Bah, c'est bon, là, c'est discuté. Je vais vous crêper le chignon, hein? Ouais. Ça va partir en cacahuète, hein, mais je vous le dis, hein. Par contre, c'est la dernière fois que t'appelles, parce que sinon, c'est moi qui va te crêper le chignon. Ouais, tu t'es cru au marché, là? Allez, va te faire en. Hein? Et puis. Ah, ouais. Hein? Plus tard, salut. C'est bien, le monsieur il s'auto-bip. Va te faire hoc 1. Bon, ben merci. C'est bien, il s'auto-bip. Plus besoin de biper là, c'est parfait. C'est bon, on est le couple entier. C'est le CSA qui est content. Oui, on est Olivier, sa femme Olivier et Cyril Hanouna qui nous a fait part de son plus grand fantasme. Lécher les boules de Motus. Motus. C'est mieux de lécher les boules de Motus que celles de Thierry Beccaro, par exemple, le présentateur de Motus. Ah, ben il doit avoir un peu les boules flétries depuis le temps, lui. Elles sont plus fraîches, les boules de Motus, sans doute. Hein. Plus solides. Bon, Cyril Hanouna, le réveil de star, le retour tout à l'heure sur Skyrock. Il est 6h14, c'est l'heure des Black Eyed Peas et juste après on joue ensemble à l'invité mystère, un invité mystère à découvrir et votre console à gagner. On va vous offrir la PS4 Slim. Allez, allez. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Change. New days are strange. Is the world insane? If love and peace are so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on, I don't know. Where's the truth, y'all? Come on, I don't know. Where's the love, y'all? People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. The world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. People killing, people dying, children hurting, even crying. You practice what you preach, and what you turn the other cheek. Father, Father, Father, help us. Some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love sur Skyrock? Les Black Eyed Peas, gros souvenir, c'est le premier son qu'on vous avait passé des Black Eyed Peas sur Skyrock, ce son-là. Ouais. C'est vieux, hein. Waouh, ça, là, moi, j'étais même pas né, c'est pour vous dire. Black Eyed Peas avec Where is the love, du son, écoutez, Drake, One Dance, on se fera les Pitbull, les Florida, qui s'appelle Green Lights. Et puis tout à l'heure, du Sadek, du Gradur, du Designer, du DJ Snake, du Justin Bieber. Et bah, bref, une matinée bien, bien remplie. Merci d'être là avec nous toute la matinée sur Skyrock. Jusqu'à 9h10, on est là. Avec 1 500 € dans un quart d'heure. Donc inscrivez-vous au 720-20, on sait jamais, hein, c'est un matin, on fera aussi des tirages au 720-20. Vous vous inscrivez, vous laissez tout ça avec le mot de passe 1500. Voilà. Vous envoyez tout simplement 1500 au 720-20. Tout simplement. Ah c'est marrant, je regardais les réactions que vous avez laissées pour Jean-Michel Maire. Alors Jean-Michel Maire, les filles, vous embrassent les seins sans demander la permission, enfin le haut du sein, on leur dit quand même, sans demander la permission, bah qu'est-ce que ça vous fait? Vanessa du 06, 27 ans, moi je lui aurais éclaté la gueule. Moi, c'est deux baffes directes, nous dit Sonia de Brest, salut à toi Sonia. C'est pas une raison pour embrasser les seins, mais... Ah oui, non, mais ça on est non, d'accord. C'est non pour Miss Stone. Mais de là, est-ce que ça soit un scandale d'État, bon... C'est un scandale d'État, Romano. Mais oui, c'est un scandale d'État. Bah si, parce qu'il y a Madame la Ministre. Madame la Ministre de la Condition Féminine. Elle s'appelle Madame... Ah, attendez, bougez pas. Rossignol, je crois. Madame ah ouais, Rossignol ou Pigeon. C'est quoi son nom, Rossignol? Je ne sais plus quel est l'oiseau. Je crois que c'est Madame Laurence Rossignol. C'est ça. Ouais. Moi, il en prend une directe pour nous nette du 42-69. Par contre, si c'était Rémi, j'aurais dit oui. Oh Rémi, t'as une touche. Ah, là. Oh, t'as une touche sur les messages. Merci pour les messages que vous nous avez envoyés. Hein. Bon, Jimmy, il est motivé, trop débardé le matin, ça motive pour aller au boulot. Ah bah écoute, c'est parti, c'est fait pour ça le morning. Oui. Ouais. Et c'est parti avec notre invité mystère ce matin. Attention. L'invité mystère. What? Ouais. On est à fond dans l'actu avec l'invité mystère ce matin, on va le découvrir. Écoutez bien sa voix, vous nous dites qui est-ce. Et si vous avez son nom, vous envoyez très vite un message au 41759 ou alors avec votre appli Skyrock. Vous envoyez ça très vite et vous gagnez votre PS4 Slim. C'est ce qu'on vous file tous les matins aux alentours de 6h20 et même à 6h20, pile en ce lundi matin. Voici l'invité mystère, viens voir. C'est moi. Et oui, c'est toi. Il est content. Ah oui, hein. Oui. C'est l'invité mystère. Pourquoi tu rigoles? C'est toi qui me fais rire. Oh, c'est gentil. Mais il se fout de ma gueule, non? Ouais. Un peu, ouais. C'est possible. Hein. Tu veux dire quelque chose à, je ne sais pas, Romano Vélire, bonjour. Bonjour, monsieur. T'as, mais t'as pas de chez toi, casse-toi. T'as pas d'amis, quoi. Bah, si, ben bah, là, je suis chez moi, là, un peu. Bah oui, on est un peu chez nous, on est sur Skyrock, l'ami. Et agressif, un peu, l'invité mystère. Hein. Vous l'avez reconnu, vous nous laissez vos messages. Et on retrouve donc notre invité mystère dans un instant. Un des événements de la semaine de ce début d'année. Allez, vite, vos réponses. Et on le retrouve tout de suite. T'es cassé. Si vous trouvez pas, ouais, là. C'est cadeau, là. Allez, réponse tout de suite. Il est 6h21 sur Sky. La radio qui t'offre le plus de places de concert. Faites du bruit si vous êtes dans la place. C'est Skyrock. On verra bien. Après les 200 places en exclu pour voir Maître Gims. Les 200 places pour Soprano. Merci, les 200 places pour Jules. Skyrock rajoute 200 places et t'envoie sur les concerts de Nekfeu et du Escrew dans la ville de ton choix. Mais le coco est en Lille, Nantes, Lyon, Marseille et Paris. Mais le coco est en 200 places de concert Nekfeu et Escrew en exclu sur Skyrock. Envoie vite roulette par SMS au 720-20 et à toi les places de concert. Ouais, c'est Nekfeu. Nekfeu et Escrew. Dans la roulette sur Skyrock. Un vrai groupe parisien. Premier sur le rap. 65 centimes plus coût SMS. Entretenir un violon, ça se fait chez un luthier. Entretenir une montre, ça se fait chez un horloger. Entretenir une BMW, ça se fait chez BMW. Jusqu'au 25 novembre, profitez de l'expertise du réseau après-vente BMW à prix préférentiel sur les pièces de freinage, la vidange et les balais d'essuie-glace. L'entretien de votre BMW mérite un expert BMW. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 25 novembre sur une sélection de modèles chez les réparateurs agréés BMW ou sur bmw.fr. Eh, à la Banque Postale, ils ont observé que vous parlez souvent de changer votre vieille voiture, de partir en croisière ou encore de refaire votre déco. Bon, à la Banque Postale, ils ont aussi observé que, force de constater, vous êtes passé maître dans l'art de remettre vos projets à demain. Ah si, ne niez pas, on vous a vu. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors profitez de leur bon taux sur les prêts personnels, auto, travaux et projets jusqu'au 5 novembre 2016 et réveillez vos projets. C'est ça l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Dans 9h. The morning show. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, that's why I need a one dance, got a Hennessy in my hand, one more time before I go, higher powers taking a hold on me, I need a one dance, got a Hennessy in my hand, one more time before I go, higher powers taking a hold on me, baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Take it slow, make you lose control. C'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Et ouais, c'est nous, on se réveille ensemble tous les matins et même le lundi, hein, vous avez vu, hein, 6h26, l'équipe en pleine forme, ça fait plaisir de voir comme ça. Ouais. Ouais. Cariole est à son 8ème café depuis 6h, je peux vous dire clair. Que. Elle va tout donner ce matin. Ah, mais tout donner, tout. Mais un peu trop. Un peu trop, c'est possible. Vous nous dites si c'est un peu trop, mais autrement, c'est bien quand je vois l'équipe. 8 cafés, c'est parfait. L'équipe en pleine forme comme ça fait plaisir. T'as pris ton petit café, Jordan? Jordan de Montlhéry dans le 91. Salut Jordan. Salut l'équipe. Comment... Ah, salut. Oui, t'es en forme, ça fait plaisir. Ouais, bah oui. Eh bah ouais. Je travaille à cette heure-là. Ah, tu travailles déjà, toi? En forme, ouais, c'est ça. Ah, bah oui, t'as donc t'as pas le choix, oui. T'as intérêt d'être en forme, ouais. Ouais, c'est tu fais quoi comme boulot? Je suis magasinier dans le 411. Très bien, on salue tous ceux qui sont déjà en train de bosser, tous ceux qui vont aller travailler, toutes celles qui travaillent déjà aussi. On vous embrasse les filles, les gars, tout le monde. On va vous présenter notre invité mystère ce matin. Écoutez bien, c'est lui le premier invité mystère de ce morning. C'est moi. C'est toi, mais oui, vous l'avez reconnu. Oui. Avec ce rire diabolique. Il est tout jaune. Il est tout jaune, oui. C'est qui, Jordan? C'est Jean Dujardin, Brice Denis. Eh oui, ouais, c'est ça. Bryce. C'est ça. Bryce the Nice. T'as reconnu ou pas? Ah oui, on a reconnu, oui. Bryce de Nice, donc, qui sort? Il sort cette semaine, mercredi. Ouais, mercredi, là. Mercredi. Il me semble, parce qu'on le voit partout, hein. Ouais, ouais, ouais. Sur toutes les chaînes de télé, partout, partout, partout. Et Jordan, Bryce de Nice. On en parlera ce soir dans la Radio Libre, puisqu'on aura avec nous Big Flo et Oli. C'est ceux qui ont fait la BO de Bryce de Nice. À ne pas louper ce soir, parce que ce soir, on a vraiment une soirée exceptionnelle. Ce soir, c'est la folie. Le retour de Cédric le Belge. Oui, notre Cédric le Belge de retour ce soir entre 21h et minuit. Avec Big Flo et Oli qui voulaient fêter ça. C'est les seuls qui ont voulu venir. Oui. Hein. Qui nous ont coûté cher. Hein. Voilà. Ils voulaient fêter le retour de Cédric ce soir. Ils fêteront le retour de Cédric en direct dans la Radio Libre. Vivement ce soir. Soirée. Il est content, Cédric. Il est intelligent surtout. Et donc, Big Flo et Oli, ils ont fait la BO du film. Vous avez entendu la BO? Oui, oui, elle tourne sur Skyrock. Et ouais. On va sortir le katana. Ça c'est la BO de Bryce the Nice 3, Face 3. Et même Jean Dujardin qui rappe sur le morceau là. La chanson s'appelle Pour un pote. C'est tout ce qu'on peut faire pour un pote dans le morceau. Vous l'avez entendu sur Sky. Qu'est-ce que tu dis, Jordan? Leur clip il est super bien. Il est marrant le clip. Et puis à la fin il y a Jean Dujardin qui rappe. On me dit souvent arrête un peu. Ok, essaye. Tu vas dans la merde. Tu sais la vie c'est pas un jeu. Tu crois qu'il ferait pareil pour toi? Fin, là, moi j'adore la fin du morceau. Donc les gars, on est potes. C'est vrai? Non, je déconne. Je vais pas être pote Brice avec des rappeurs de merde. Big Flo et Oli. Donc ce soir, Big Flo et Oli avec nous dans la Radio Libre entre 21h et minuit. Et peut-être qu'aujourd'hui, Jordan viendra nous voir, on ne sait jamais. Hein. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais, ouais. Il y a un truc marrant qu'ils ont fait. Ils ont balancé sur plein de réseaux, sur YouTube, partout, une fausse vidéo du film. Ah ouais? D'un genre, t'as l'impression que tu vas regarder le film. Mais en fait, pas du tout. Et au bout de 3 minutes 30, t'as Bryce the Nice qui arrive et qui fait... je l'ai cassé le film. Donc tu commences à regarder le truc et au bout de 3 minutes 30, bam. Et vous savez pourquoi il n'y a pas de Bryce 2, hein? Ouais, parce que le 2, je l'ai cassé. Il l'a cassé. Ça passe directement à Bryce 3. Bravo Jordan, la PS4 Slim, elle est pour toi. Et pour Nanou Dadou qui nous laisse un message qui veut gagner un iPhone, eh ben ça tombe bien, ça sera le prochain cadeau dans une heure de notre jeu de 7h20. J'aurai un info ou mytho. Voilà, promis. Bravo Jordan, t'as bien commencé la journée. Hein. La PS4 Slim, elle arrive. Pour toi. Et continue comme ça. Eh ben, t'inquiète pas, Jordan, aussi. Hein. Continue c'est comme ça. C'est possible de vous laisser mon adresse Facebook. En fait, je fais des tableaux, si c'est possible de faire un petit coup de pub. Bah, vas-y, fais. Merci beaucoup. Alors, t'es c'est César. C'est S-E-I-Z. S-E-I-Z. Après? Après, espace A-R-T. Art, parce que tu es un artiste. C'est bien noté. C-E-I-Z-A-R-T. Avec le petit truc au milieu. Voilà. Voilà, c'est ça. Eh ben, ça roule. Salut à toi, Jordan. Merci beaucoup, l'équipe. Et bonne journée à toi. Salut. Dans un instant, 1 500 € à gagner. Tiens, j'avais promis Florida et Pitbull. On les écoute et on fait les infos juste derrière. Allez. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light. Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money. 3 Miami boys, you know what time it is. Give me the green light, cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life, and we gon' live it up. So give me the green light, cause I'm ready to go. Dream, I wanna make it ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. I let me jump in between, I'm getting loose in this thing. Like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light. So I can can run through it like an easy pass. Find a G-spot and step on the gas. Woo! Give me the green light, cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Florida sur Skyrock dans le morning, c'était Green Lights. Il est 6h32, dans un instant 1500 € à gagner. Attention, attention, on fait des tirages au sort dans l'annuaire. On fait des tirages au sort aussi sur le 7-20-20. Vous vous êtes inscrit tout au long du week-end. Vous vous inscrivez depuis 6h du matin, vous serez peut-être tiré au sort tout à l'heure. Peut-être dans un instant, on va voir, 1500 € à gagner. 1500 au 7-20-20, c'est ce qu'il faut envoyer pour augmenter vos chances, ouais, de gagner de l'argent, des sous, plein plein plein de pognon à gagner tous les matins dans le morning. Gradure, Sadek avant 7h, Designer, Panda avant 7h aussi. Et juste après, les super infos de Rémi, DJ Snake et Justin Bieber, qu'on va retrouver avec Let Me Love You, car il est l'heure des infos tout de suite, 6h33. C'est parti Rémi, on fait le point, ouais, sur l'actu. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Vous allez tout savoir. Qu'est-ce qui s'est passé hier, ce week-end aussi, parce qu'on va faire du foot. Ouais. Mais d'abord, on fait la météo. Et un ciel quand même encombré aujourd'hui, peu, malheureusement. Ouais. Eh oui, quasiment partout, même Mossad, on va le dire, hein, pour ce début de semaine. Il y a quand même que le Nord-Ouest qui est épargné aujourd'hui, avec des éclaircies assez visibles, de la Bretagne jusqu'au Pas-de-Calais, et puis des orages qui sont attendus peut-être en fin d'après-midi sur les bords de la Méditerranée. Les températures ce matin, comprises entre 7 et 15 degrés, 12 en région parisienne. C'est doux, hein, c'est au-dessus des normales de saison. Par contre, cet après-midi, ça baisse un petit peu par rapport à hier, entre 15 et 18 dans le nord et le centre, et puis de 19 à 22 dans les régions du sud. La pollution, ça reste bien respirable. Les indices compris partout entre 2 et 4, 5 seulement sur Nice, Marseille et Avignon. Et le point sur l'actu tout de suite, l'actu et le sport sur Sky. Et l'offensive pour reprendre Mossoul, qui a commencé cette nuit. Ça y est, la ville irakienne est le dernier grand bastion détenu par Daesh dans le pays. L'opération au sol est menée par l'armée irakienne avec le soutien des Peshmerga kurdes. L'objectif est clair, anéantir définitivement l'État islamique sur place. Daesh qui s'était emparé de cette ville, la deuxième d'Irak, en 2014. Le premier ministre irakien a annoncé donc cette nuit que les opérations avaient commencé. Les combats s'annoncent longs et violents avec de nombreuses pertes civiles. L'ONU s'inquiète puisque 1 500 000 personnes vivent encore sur place. 10 000 djihadistes seraient mobilisés pour défendre leur position. Le premier ministre irakien qui a déclaré que le temps de la victoire était venu. Toujours beaucoup de questions à Angers après l'effondrement d'un balcon. Dramatique accident qui a coûté la vie à 4 personnes et en a blessé 14 autres. C'était samedi soir. La chute du balcon a entraîné la destruction des 2 autres qui se trouvaient juste en dessous. Des experts en construction ont été mandatés par la justice, mais l'immeuble était assez récent. Il avait été construit dans les années 2000. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. La salle de shoot de Paris, officiellement ouverte dès aujourd'hui. Les toxicomanes qu'ils souhaitent peuvent s'y rendre dans le 10e arrondissement. Cela ne concerne que les majeurs, bien évidemment, qui s'injectent eux-mêmes les stupéfiants qu'ils apportent. Ils seront encadrés par du personnel de santé. Le retour hier de la manif pour tous dans les rues de Paris après 2 ans d'absence. Comme d'habitude, bataille des chiffres entre autorités et organisateurs. La mobilisation a rassemblé de 24 000 à 200 000 personnes. Des élus du Front National se sont mêlés au cortège, tout comme des FEMEN. La police a procédé à 13 interpellations. Super ambiance pour un dimanche après-midi. Super. Ouais. Bon, on fait le point sur le sport maintenant, du foot et du rugby. Ouais, avec la fin de la 9e journée de Ligue 1, Marseille s'offre une victoire. Victoire timide, c'est vrai, mais victoire quand même pour son dernier match sous l'ère Louis Dreyfus. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas encore, le club phocéen change officiellement de main aujourd'hui, puisque le nouveau patron américain s'appelle Frank McCourt. Ah, c'est ça, Frank McCouille. Il arrive, Frank McCouille. Ça y est, il arrive aujourd'hui. Il y a une passation de pouvoir et tout qui va être organisée. Victoire 1-0 contre Metz, avec un but signé Bafétimbi Gomis. Match nul, un partout entre Rennes, Bordeaux et Saint-Etienne-Dijon. Au classement, Nice creuse l'écart en tête avec 4 points d'avance sur Paris. Monaco est 3e devant Toulouse. Et Guingamp, et puis du rugby avec la première journée de la Coupe d'Europe. Match reporté entre le Racing 92 et Munster en raison de la mort d'un des entraîneurs irlandais. Il a fait une crise cardiaque. Bordeaux-Bègles s'est imposé 28-13 contre Ulster, et victoire également de Clermont. Merci Rémi pour les infos. La suite tout à l'heure à 7h avec le Tour d'Europe des stades. Il est 6h36 sur Skyrock. La nuit a été courte. La journée sera moins longue avec le Morning de Default sur Skyrock. Et oui, c'est vrai, ça passe vite. Il est déjà 6h36. Les conseils pas chers de Romano, ils arrivent et on va parler de quelque chose que tout le monde consomme. Ça plaît à tout le monde. 98,6% des gens aiment ça. Des Français en consomment. Alors de quoi on parle, tiens? Si vous avez une petite idée, tu veux qu'on fasse un jeu, Romano? Ouais, tiens, dites-nous. Allez, on va jouer. 41-759 et sur l'appli Skyrock, qu'est-ce qu'on peut vous filer? Un FIFA. Allez, un FIFA ou votre maillot de foot, ouais, de rugby, au choix, oui. De ce que vous voulez, ou votre maillot de bain. Comme Bryce de Nice. Mais oui. Oui. T'as un beau Marcel jaune. Ah, magnifique. Donc vous gagnez votre jeu, votre FIFA, ou votre jeu au choix même. Jeu ou maillot au choix. Ouais. Allez, on y va comme ça. C'est quoi que les Français adorent à combien? 98,6%. 98,6%, autrement tout le monde aime ça. Ouais, dit, ouais. Pratiquement tout le monde aime ça. Des bonbons. Oui, quasiment, ouais. Des bonbons pour les bien. Ah, ça me fait plaisir, on ne t'offrira rien. Parce que ce n'est pas la bonne réponse. Mais tu vas en profiter, Romano, pour nous en parler. Ouais, ouais, ouais. Et gagner de l'argent avec. Gagner de l'argent, surtout gagner de l'argent avec. Le sondage du jour, le sondage du morning, c'est avant 7h du matin. Les femmes sont-elles plus ou moins honnêtes que les hommes? Les hommes sont-ils plus ou moins honnêtes que les femmes? On va voir de quoi il s'agit tout à l'heure, on en reparlera. Qui sont les plus honnêtes? Hommes, femmes, vous saurez tout avant 7h. L'horoscope de l'amour arrive, mais tout de suite, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Allez, 1 500 € à gagner, 1 500 € si vous répondez Skyrock. Comment gagner 1 500 € en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning show. Oui, et dans l'enveloppe, le premier ou la première qu'on va appeler pour cette semaine. On va chez qui? On va dans le nord de la France déjà ce matin. Si vous nous écoutez dans le nord, dans le 59, vous allez peut-être gagner 1 500 €. Le 59 qui se réveille avec Skyrock, attention, regardez bien vos téléphones parce qu'on file ce matin chez vous. Et on va à Roubaix. La famille tire au sort et la famille Liatard. Armel Liatard, 1 500 € à Roubaix. Un Roubaixien! Oui, un Roubaix, une Roubaixienne même ce matin. Attention, attention. 1 500 €, 5 secondes. Allez, Armel. Et il faut répondre Skyrock. J'espère qu'Armel va nous faire un beau Skyrock. Ça serait bien pour démarrer la semaine. 1 500 € comme ça, dès le réveil. Et moi, je prépare mon usine à chocolat, moi. Chut. T'as donné la réponse. Ah, merde. Oui, bonjour, monsieur Liatard. Ah non, c'est pas monsieur Liatard. C'est madame Liatard. Oui. Bonjour, madame Liatard. Bonjour, tu es Armel? Non, c'est pas Armel, mais je vais la chercher. Pourquoi exactement? Parce que c'est la radio au téléphone et on avait de l'argent à vous offrir ce matin. On vous a tiré au sort, on a 1 500 € pour vous. Ouais, tu peux jouer à sa place. Station de radio? Ah, c'est ça, station de radio, c'est nous. C'est comme une station service, sauf que nous on distribue pas de l'essence, mais de la musique, du son, des conneries. Ouais, c'est encore une histoire à la con. Des conseils pas chers, mais une histoire à la con. Attends, mais pas du tout. Mais non, c'est pas une histoire à la con. Allô? Donne-nous ta radio préférée, tiens. Non, mais il est parti, il a cru que c'était une blague. J'ai une voix de blague ce matin. Bah ouais. Bon, bah désolé pour les Liatards. Vous lui direz que c'est pas une blague. Ah, hein, encore une connerie. Mais non, c'est pas une connerie. Ah, tu dis, il y a encore une connerie. 1 500 €. Bon, bah ça tombera le prochain coup. Hein. Le prochain coup, c'est dans moins d'une demi-heure. Toutes les demi-heures, jusqu'à la fin du mois d'octobre, vous gagnez 1 500 € ouais. Tous les matins sur Skyrock. Profitez-en. Et envoyez 1 500 720. On sait jamais. Hein. Bah peut-être qu'on vous appelle tout à l'heure. Eh bah ouais, c'est peut-être pour tout à l'heure. Préparez-vous, ouais. Il est 6h39 sur Sky. C'est Skyrock. Default offre 1 500 € toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. C'est Skyrock. Ouais, et DJ Snake et Justin Bieber, puis dans un instant, la réponse au jeu que Romano a donné il y a un instant. Mais je n'ai rien donné du tout. Non, mais bon, on fait comme si, hein. Et dans un instant sur Sky. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Never let me down. Don't you give up. Nah, nah, nah. I won't give up. Nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Don't you give up. Let Me Love You sur Skyrock, Justin Bieber et DJ Snake à 6h43 et on a Vincent avec nous au téléphone de Roissy. Ambry, bonjour Vincent. Ah, pour la question. Allô. Ouais, salut Vincent. Salut. Salut Vincent. Salut. Ça va, 20 ans, Roissy Ambry. J'aime bien parce que tu fais des efforts pour essayer d'être réveillé, c'est ça? Ah ouais, de fou. Ah ouais, ça s'entend un peu. On dirait moi certains jours de la semaine à 6h du matin, tu sais, quand j'arrive. Vincent, alors Romano a posé une super question pour offrir ou alors un maillot ou un jeu au choix. Alors, qu'est-ce que consomment 98,6% des Français? C'est énorme. Le chocolat. Le chocolat. Ça veut dire qu'il y a que 1,4% des Français qui en consomment jamais. Ouais, c'est ça, ou c'est un truc pas, Faut se lancer dans le chocolat, Romano. Bah, c'est ce que je vais faire ce matin, je vais me lancer à fond dedans, là. Oui, bah, tu t'es, mais j'espère que tu t'es bien préparé. T'as fait tourner la turbine à chocolat ce week-end. Ah, mais à fond les ballons. Elle a même tourné cette nuit. Ah, génial. Ouais, ouais, tous les Français consomment presque du chocolat. Bravo, Vincent. T'aimes bien le chocolat, toi aussi? Oh, de fou, c'est trop bon. Moi aussi, j'adore. Tu préfères le chocolat? Tu sais que j'ai mangé une danette ce matin avant de venir. Une danette au chocolat noir. J'adore. Eh bien, ce week-end, moi, j'ai mangé du Toblerone. Ça faisait bien un moment que j'en avais fait manger. Moi, j'ai bouffé des sneakers, des Bounty également. Bounty, ça, je déteste. Bounty. Non, mais j'ai remarqué, en France, on dit Bounty, mais on est les seuls. Hein. Tu vas dans n'importe quel pays du monde, ils sont tous là. Bounty, Bounty. Ah, moi, ça, de toute façon, moi, je demande jamais, j'aime pas, il y a de la noix de coco dedans. C'est très, très bon, ça. Ah, ça me dégoûte, le truc blanc, là. Donc, en fait, 98,6% des Français aiment le chocolat. C'est fou. Et toi, tu viens de gagner ton jeu ou ta console? Qu'est-ce que tu veux? Ou ta console? Ou ton. Non. Ton maillot, Vincent, qu'est-ce que tu choisis? FIFA 17 sur PS4, ça serait allez, bon. FIFA 17, c'est parti, on t'envoie ça à Roissy. Bon, bah, bon réveil, hein, Vincent. T'as bien démarré la semaine. Pour un mec endormi, c'est bien. Plaisir. Merci à vous. C'est cool. Déchiré. Salut Vincent, ciao. Ciao. Salut, continue. Et bah, toi aussi. Salut Vincent. Et Romano, les conseils pas chers, c'est parti. Il a des petites mains, des petits bras, une petite taille, un petit zgeg, une petite tête, mais un très gros portefeuille. Romano, les conseils pas chers sur Skyrock. C'est vrai que c'est ce qui a le plus gros chez lui, c'est le portefeuille. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est fou ça. Bon, le chocolat, ça t'a donné une idée, Romano? Eh bien, livrer du chocolat artisanal, ouais, s'il vous plaît, aux familles. Parce qu'à la... Bah, du chocolat artisanal aux familles. Ben oui. Allez. C'est lui qui l'a fabriqué. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Et oui, c'est lui qui l'a fait. Je vous ferai une démonstration au moment voulu. Hein. C'est quoi vos chocolats préférés? Noir, au lait. Moi j'aime tous les chocolats. Moi que non, au lait. Au lait, tu préfères? Et noir, t'aimes pas? Ah, noir, pas trop. C'est très bon le chocolat noir. Ouais. Moi je te boufferais tous les chocolats. Je suis capable d'en bouffer, mais alors des tonnes. Moi j'aime des pas tonnes. Du tout, moi. Des tablettes. Je crois que t'aimes pas. Bah le chocolat. Ah, tu fais. T'es vraiment la casse-couille qui fait partie du 1,4% des Français. Hein. Que je suis bien courageux. Ah mais tu es courageux. Romano, c'est vrai. Non, mais j'ai le droit de pas aimer. Bah ouais. T'en bouffes du chocolat. Non. Non, mais bon. Moi, je cherchais à comprendre. Non, mais ce matin, elle a décidé de faire chier. Elle est relou, elle est relou. Non, mais elle en bouffe du chocolat. Elle achète du chocolat. C'est moi qui ai acheté le Toblerone, mais c'est pas moi qui le mange. Ah non, elle en bouffe pas, elle en achète. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, vous avez bientôt fini vos conneries là. Ah, mais madame, je vous appelle pour une bonne nouvelle. J'ai du chocolat à vous amener ce matin. Oui. Bon, bah, c'est gentil. Ah, allô, oui, bah c'est, ah bien. Bah c'est gentil, mais il faut payer, vraiment. C'est gentil. C'est ouais, bien. Ouais, parce que c'est bien gentil. Mais je sais pas, elle était déjà un petit peu énervée au début. Pourquoi? Un petit peu, ouais. C'est, je sais pas. C'est lundi, elle a dû se reposer tout le week-end, elle devrait être en pleine forme. Bah, c'était pas le cas. Non. Quoique le lundi, c'est pas forcément le jour où on est en pleine forme. Bon, je mets la turbine en route. Hein. Allez. Allez, vas-y, Romano. Oh non. Non, mais attends, c'est l'allumage. Oui, j'ai bien entendu. La turbine en route. Vous êtes sur la messagerie Orange du 03 26. Ah, il y a quelqu'un. Allô? Vous êtes sur la messagerie Orange. Oui, bah, on est sur la messagerie Orange, comme vous avez bien pu le constater. Donc, lancez-vous faut dans le chocolat. Faut passer quelqu'un parce que la turbine commence à se coincer. Hein. Allô? Allô? Allô, bonjour monsieur? Allô? Je vais vous faire foutre. Mais non. Oh, mais non, monsieur, un petit peu de politesse, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les gens, ce matin? Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Non, non. Allez vous faire foutre. Foot. Romano. Allez vous faire foutre. Pas allez vous faire foutre. Tout foot. Allô? Oui, bonjour. Philippe? Ouais, allez, ouais. Dites-moi maintenant, pourquoi vous voulez téléphoner? Monsieur, c'est monsieur Lapince à l'appareil, je suis le chocolatier. Au revoir. Je voulais vous amener un peu de chocolat. Non mais prenez-en, vous êtes tellement à bout de nerfs, le chocolat c'est déstressant. Ouais, c'est bon pour le moral le chocolat. Mais oui, putain les gens il faut qu'ils consomment du chocolat. Prenez des filets du chocolat aux gens dès le réveil. Là hein. En fait j'ai compris, on a appelé le 1,4% qui n'en consomme jamais. Mais, putain comment on a fait pour tous les trouver ce matin? On les a tous trouvés, hein. Exclusivité Skyrock. Exclu, on en a une dans l'équipe et on a trouvé tous les autres là. Et oui ça déstresse le chocolat, ça rend heureux. On est mieux quand on en mange pour 33% des Français. C'est super, vive le chocolat. Bon petit déj, bon petit chocolat si vous en prenez un ce matin. Et il y a 30% des Français qui en prennent au moins une fois par jour. C'est vrai que c'est bon. Eh ouais, c'est vrai que c'est bon. Régalez-vous. Bon, bon régal. Yeah. Et dans un instant, bon horoscope de l'amour. On va voir ce que ça donne. Et puis on va répondre à une question avant 7h. Les femmes sont-elles plus ou moins honnêtes que les hommes? Les hommes sont-ils plus ou moins honnêtes que les femmes? C'est notre sondage du morning. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez aussi. Il y a Raph qui est mort de rire, qui nous dit les Français, ils sont énervés dès le matin. Oui. Rassure-toi, on va s'en occuper là. Avant 9h, on est là en direct avec Designer qui arrive aussi dans une minute sur Sky. Ce soir, il est de retour dans la radio libre de Difool. Après sa cascade, il faisait le kéké à côté de nous avec sa mobilèche. Et bam. Plus cultivé que jamais. Le Mont Everest d'ailleurs qui se trouve. Bah je sais pas, dans une montagne. Plus dragueur que jamais. Je suis commercial en sucette et on m'a dit que ta femme elle aimait sucer. Ouais. Si t'as pas d'amis, bouffe un curry, pauvre con. Bah. Plus beau gosse que jamais. Je suis beau gosse comme un saumon. Cédric. C'est Cédric. Reviens dans la radio libre de Difool. Ce soir, 21h minuit, sur Skyrock. Salut les filles. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Plus que quelques jours pour profiter des 4 semaines les moins chères de France. Cette semaine, vous avez jusqu'à 50% d'économies sur une grande sélection de produits. Oui, vous avez bien entendu, 50% d'économies. Et tentez de gagner des milliers de cadeaux en faisant vos courses. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse deux fois la différence. Modalités, règlements et magasins participants sur intermarché.com. Du 18 au 23 octobre. Allez, fini la pub et c'est parti pour l'horoscope de ce lundi 17 octobre. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et ouais, votre horoscope, on va démarrer avec les lions et les capricornes qui ont zéro pour démarrer cette semaine. Eh bien, bonne journée. Merci Romano, c'est très gentil. Lion et capricorne, pourquoi 0 sur 5? Ah, si vous êtes célibataire, vérifiez que la personne que vous voulez draguer n'est pas en couple, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Et si vous êtes en couple, évitez de mater devant votre partenaire, parce que là aussi, vous risquez d'avoir des problèmes. Ça peut, oui. Voilà, avec nos deux conseils, ça devrait aller. Là, les lions et les capricornes, on a 0. 1 sur 5, les poissons et les cancers, attention aux mauvaises langues, restez discret sur votre vie sentimentale aujourd'hui, sinon ça parle mal derrière. 2 sur 5, les taureaux et les gémeaux, intéressez-vous aux autres, ouvrez la conversation, c'est en communiquant qu'on se comprend et qu'on peut draguer aujourd'hui ou faire plaisir à sa chérie ou à son chéri. Taureau, gémeaux, 2. 3, les petits verseaux et les scorpions, vous saurez mettre intelligemment vos qualités en avant, Romano. 4, les sagittaires et les vierges, vous serez en harmonie avec votre entourage aujourd'hui. Oh. Et ouais, profitez-en, c'est une belle journée qui vous attend, sagittaires et vierges. Et pour finir, les béliers et les balances, vos désirs seront comblés aujourd'hui. Ça va bouger dans votre ciel sentimental et ça bouge positivement. Un super début de semaine pour les béliers et les balances. C'est dans un instant le sondage du jour. Qu'est-ce que vous en pensez, dites-nous. Les hommes sont-ils plus honnêtes que les femmes ou vice-versa? Oui. Hein, les femmes sont-elles plus honnêtes que les hommes? Non. Ou vice-versa? Eh ben, on voit ça tout de suite après Designer et Panda Panda sur Sky. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Ah, du gros son. Je vais faire un dab là. Vas-y, dab. Brrra. Et dans 10 minutes, il y a 1500 euros à gagner, hein. Préparez-vous. Hein. 1500 euros si vous répondez Skyrock. Credit cards and scams, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacies, family, wait and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then the bullet you banned, hope killers understand. I got broads in Atlanta, twisted to lean the family. Credit cards and the scams, hitting the licks in the van. Legacy, family, way see, look like a band. Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacy, family, way see, family. Packers full, Danny, Celebrate, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then the bullet you banned. Hope the killers understand. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, twisted up leaning shoe, sip a fan. Credit cards and the scammers, wake up beside you, let it sound. Oh, but your lettuce shoe, they be acting rent, I know we clavish you. I be pulling my stuff in the finest shoe. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I tried to shoot. Plagasix, family, why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the finest, no niggas, they come and kill you on the comma. But Broly is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you're finding, fill up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, discount for digits, say you make you a lot of money. Know some killers pull up in the end of the baby. CTDD pull up in the killer, baby. Call a feeling, feel like gon' feel it, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business. And the rape, doing the fooling, I'm doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are free. Panda. Panda, panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the banner. Legacies, family. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacies, family. Why is he panda? Packers full, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. If the chopper go ask for Grammy. Then he could pull up your banner. Hope the killers understand me. Panda. Panda. Panda, c'était Designer sur Skyrock. Bonne journée, bon réveil. Merci d'être là dans le morning sur Sky. On va vous offrir 1 500 euros, je vous l'ai dit. Ah, ça approche dans allez, 10 minutes maximum. On vous offre de l'argent. Ouais. Avant ça, eh ben voici notre grand sondage du jour. On va savoir qui ment le plus, les hommes ou les femmes. Les femmes sont-elles plus honnêtes que les hommes ou vice-versa? Oh non. Ah, Romano, on va voir si t'as raison tout de suite. Sondage du morning sur Skyrock. Le sondage du morning de Diffoul sur Skyrock. C'est quand la dernière fois que t'as menti, Cariole? Il y a une heure. Une heure. Quand Romano il t'a demandé, oh, comment tu me trouves ce matin, beau gosse? Et j'ai dit beau gosse, voilà. Et alors, et t'en pensais pas le moindre mot? Pas du tout. Alors que je te trouve particulièrement séduisant, Romano. Moi aussi ce matin. Oui, oui, c'est terriblement. Terriblement, c'est le mot. Ouais. Terrible, c'est terrible. J'ai même du mal à me résister, quoi. Non, mais je pense que les femmes, on est moins honnêtes que vous. Et étonnamment, ça. Je pense qu'on est moins honnêtes. Ah ouais, mais moi aussi. Ça, c'est du vécu, ça. Moi aussi, ça m'arrange. Ouais, ouais. Voici. De toute façon, moi, ça m'étonne pas. Le sondage du jour. Les femmes sont-elles plus ou moins honnêtes que les hommes? Eh ben, elles sont moins honnêtes que les hommes. Ah, eh ben voilà. Et oui, elles sont moins honnêtes que les hommes selon un sondage qui a été fait par des chercheurs anglais. 60% des femmes ont déjà menti en disant aimer un cadeau qu'elles ont reçu contre 43% des hommes. Ouais, c'est de la politesse, ça, ouais, à la limite. C'est vrai. Ah, bah, bon. Moi, ça dépend qui me l'offre, quoi. Oui. Je vois si c'est carriole et que c'est vraiment un truc de merde. Bon, je le colle dans la tronche. Ouais. C'est vrai. 39% des femmes ont déjà fait croire je suis malade, je ne pourrais pas venir contre 37% des hommes. C'est serré. Mais là, encore une fois, c'est les femmes qui sont moins honnêtes que les hommes. Ouais. Bravo. Après, 37% des femmes ont déjà inventé une excuse pour annuler un rencard amoureux contre seulement 27% des hommes. 37-27, c'est encore les femmes qui sont moins honnêtes que les hommes. Ouais, mais là, on a peut-être plus la dalle, nous. Oui, aussi. Oui, c'est vrai que ça se justifie ouais, aussi. Ouais. Et 33% des femmes ont déjà menti sur leur poids contre 23% des hommes. Donc, en gros, hein, sur les 4 critères qu'on a pris là... Bah, vous êtes des grosses menteuses. Bah ouais, vous êtes moins honnêtes que nous, les filles. Ah ouais. Bah ouais. Oui, faut arrêter de prendre du mitoprane, prenez plutôt du doliprane. Bon. Donc, c'est bien ce que je pensais. Hein. Alors, les filles, on n'est pas honnêtes? Bah non. Bah ouais, on dit toujours que tous les hommes ont plein de défauts. Bah au moins, on n'a pas celui-ci. Hein. Bah tu vois, on reconnaît qu'on n'est pas honnête. Donc, on commence à l'être. C'est vrai. Hein ouais. Hein oh là là. Non, mais la question que je me posais, c'est si les mecs avaient tous menti à l'étude, ça fout mon sondage en l'air. Ouais, c'est possible. Eh bah ouais, parce que si on interroge des menteurs et que le menteur il ment quand il répond au sondage, qu'est-ce qu'il vaut c'est le sondage? C'est un bordel. Voilà. Bon, il y a Miss Stone qui veut qu'on fasse absolument un sondage sur les hommes. Mais ils ont été interrogés, hein, les femmes, les hommes, tout le monde a été interrogé, Miss Stone. Hein. Non, mais vous n'êtes pas honnête, les filles. Vous pouvez le dire. Faites pas la gueule. Hein. Les gars, on pourra se vanter de ça au moins ce matin, dès que vous voyez une meuf, votre meuf, une copine. Oh, comme on est honnête. Maman, papa, les frères, les sœurs, enfin les sœurs surtout. Vous leur dites, nous sommes plus honnêtes. Voilà, ouais. Il est 6h57 sur Skyrock. Dans un instant, on vous offre 1500 euros. En parlant d'honnêteté, c'est Romano qui a l'enveloppe. J'espère qu'il ne la perdra pas d'ici les 5 minutes qui arrivent. Quand je vous dis que je suis honnête. Parce que juste après les infos de Rémi, on retrouve vos 1500 euros. Le réveil de Star aussi, à pas louper encore ce matin. Et puis à 7h20 tout à l'heure, on vous offrira votre iPhone 7 et on jouera à Info ou Mytho avec des infos qui déchirent et à pas louper sur Sky. 7h-3, dans un instant, il arrive. C'est le son de Sadek et Gradure. On écoute Andale. Bon, à la Banque Postale, ils ont étudié votre tendance à garder votre chère vieille voiture. À la Banque Postale, ils ont aussi étudié qu'elle vous coûte quand même plus cher que vous ne l'imaginez, hein, parce qu'elle demande beaucoup d'entretien, cette chère vieille voiture, hein. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils étudient, ils agissent. Alors jusqu'au 5 novembre 2016, profitez de leur bon taux sur le prêt personnel auto et en route pour financer votre nouvelle voiture. C'est ça, l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. Service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Allez, c'est reparti, pas long la pub, mais on est déjà reparti avec Sadek et Gradure, encore une découverte Sky. J'adore ce morceau, c'est Andale Andale. En direct de l'appart, The Morning Show. C'est le Morning de Default sur Skyrock. The Morning Show. Sur Skyrock, c'était Gradure et Sadek sur Sky pour se réveiller avec du gros son. On a dans un sort de week-end et les Daft Punk à écouter pour Starboy. On se fera un gros souvenir avec Major Lazer. Rappelez de Watch Out for This. C'est bien ça. Ouais. Major Lazer à retrouver tout dans à l'heure. Final est pas mal. Du Sopra, du Justin Timberlake, du MHD, du Bruno Mars, des nouveautés, des sons qui déchirent. On a tout pour bien démarrer la journée et surtout un chèque de 1 500 € qui arrive. 1 500 € pour vous. Si vous répondez Skyrock, vous répondez Skyrock, c'est pour vous. Et ben c'est dans l'enveloppe que Romano a toujours entre les mains. J'ai vérifié qu'il la vole pas. Elle est toujours là pour le moment. Ouais. Et ben on l'ouvre dans un instant, juste après les infos de Rémi. C'est l'heure de l'actu, Rémi. 7h01. Ouais. L'actu et le sport, mais d'abord la météo pour aujourd'hui. Bon bah c'est agité, un peu temps de merde pour tout le monde. Ça dépend du moment de la journée pour les nuages. Ouais, c'est pas terrible, et c'est la vrai. Pluie. Ouais, Mossad aujourd'hui quand même pour ce début de semaine. Alors Mossad pas pour tout le monde puisque dans le Nord-Ouest il y a quand même relativement, enfin il y aura du soleil, des éclaircies, de la Bretagne. Jusqu'au Pas-de-Calais. Eh ben oui. Et pour ouais, une Bretagne, fois, Normandie, Pas-de-Calais, des l'Armorique. Ouais. Des oranges aussi possibles cet après-midi sur les bords de la Méditerranée. Bon voilà quand même, hein, de la pluie et des nuages pour tout le monde, ou presque. Les températures ce matin comprises entre 7 et 15 degrés, 12 en région parisienne. Ça reste donc très doux. Par contre, ça baisse un petit peu cet après-midi par rapport à hier, de 15 à 18 dans le nord et le centre. Et puis entre 19 et 22 si vous êtes dans le sud. La pollution, ça reste respirable. Les indices compris entre 2 et 4, 5 seulement sur Nice, Marseille et Avignon. Et juste avant vos 1 500 €, les infos et le sport. Et c'est parti pour l'offensive à Mossoul qui a commencé il y a quelques heures. La ville irakienne est le dernier grand bastion détenu par Daesh dans le pays. C'est donc la guerre. L'opération au sol est menée par l'armée irakienne avec le soutien des Peshmerga kurdes. L'objectif est clair, anéantir définitivement l'État islamique sur place. Les combats s'annoncent très longs, violents aussi, avec de nombreuses pertes civiles. L'ONU s'inquiète puisqu'il reste 1 500 000 civils qui vivent sur place. 10 000 djihadistes seraient mobilisés pour défendre leur position. Un déplacement passé à la loupe par François Hollande. L'accueil du président risque d'être glacial à Florange en Moselle, sur le site de l'usine ArcelorMittal. C'est là qu'il avait fait une partie de sa campagne auprès du monde ouvrier. Les hauts fourneaux qui fabriquent de l'acier ont été fermés il y a 3 ans. Les syndicats appellent à une mobilisation dès ce matin. Le chef de l'État lui estime avoir tenu ses promesses. Il rappelle dans le Républicain Lorrain que tous les salariés ont été reclassés et que personne n'a été licencié. Le mondial de l'auto qui a fermé ses portes hier soir, porte de Versailles à Paris. Moins de monde que l'an dernier. Le nombre d'entrées a baissé de 14%. Plus d'1 million de visiteurs se sont tout de même rendu sur place, ce qui en fait le salon de l'automobile le plus fréquenté au monde. Des sondages vraiment confiants pour Hillary Clinton. Il semble que la candidate démocrate sera dans l'histoire la première femme à investir la Maison Blanche. Une étude très sérieuse démontre qu'elle a 95% de chances de l'emporter contre Donald Trump. Elle aurait au soir du 8 novembre une grande majorité des votes des grands électeurs. La réponse donc dans tout juste 3 semaines. Et on fait le point sur le sport avec la Ligue 1 bien sûr et le Tour d'Europe des stades aussi. Oui, Marseille qui s'offre une victoire en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Une victoire pour l'honneur hein, puisque c'était la dernière sous l'ère Louis-Dreyfus. Le club phocéen changera officiellement de main aujourd'hui avec le nouveau patron qui s'appelle Frank McCourt, l'américain. Victoire 1-0 contre Metz sur but de Bafétimbi Gomis. Match nul 1 partout entre Rennes, Bordeaux et Saint-Etienne-Dijon. Classement, Nice creuse l'écart. 4 points d'avance déjà sur Paris. Monaco est 3e devant Toulouse et Guingamp. Le Tour d'Europe des stades comme tous les lundis matins. La première ligue anglaise pour commencer avec une victoire pour Chelsea. 3-1 contre Leicester. Arsenal s'impose 3-2 face à Swansea alors que Manchester City et Everton se neutralisent 1-0. Au classement, les Citizens restent tout de même en tête devant Arsenal et Tottenham. Manchester United peut encore remonter ce soir en cas de succès sur la pelouse de Liverpool. En Espagne, Villarreal a collé un 5-0 au Celta Vigo. Barcelone a mangé le Deportivo La Corogne 4-1. Le Real a largement dominé le Betis Séville 6-1 avec un but signé Benzema et un autre de Ronaldo. 6-1. Ouais, l'Atlético de Griezmann domine toujours les débats. Aussi, ouais. Devant le Real et Séville, Barcelone n'est que 4e. En Allemagne, le Bayern de Munich concède le nul. 2-2 contre Francfort. Les Munichois restent tout de même en haut du classement devant la Cologne. Enfin, en Italie, l'AC Milan a dominé Chievo-Vérone 3-1. Match nul 1-1 entre la Lazio et Bologne alors que la Juve s'impose 2-1 face à Udinese. La vieille dame fait la course en tête du classement devant la AS Roma et l'AC Milan. Merci Rémi pour les infos. La suite tout à l'heure à 7h30. Là, il est l'heure de vous offrir 1 500 €. Il est 7h04 de l'argent à gagner. C'est parti. Miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est le plus beau. Tifoul. Merci. Dis-moi qui est le plus radin. Romano. Qui est le poids lourd de l'émission? Cédric. Qui a les plus gros seins? Bah, encore Cédric. Désolé, Cariole, mais t'es belle quand même. Et qui te réveille tous les matins? Les matins. Le morning de Tifoul sur Skyrock. C'est le morning de Tifoul sur Skyrock. Bonjour et bon réveil, Cédric de retour ce soir dans la radio libre. Et oui, Cédric qui est absent à cause de sa clavicule cassée ce soir, il est de retour. C'est le grand jour. Et on lui prévoit une émission de folie. On aura également Big Flo et Oli, des invités qui veulent fêter le retour de Cédric ce soir entre 21h et minuit également avec nous. Big Flo et Oli, Cédric. Et plein de surprises pour Cédric ce soir. Ah mais la folie folle. Ne loupez pas le rendez-vous, soyez là entre 21h et minuit. Et puis restez bien là avec nous ce matin parce qu'on va faire plein de choses. Vous offrir votre iPhone 7 tout à l'heure à 7h20, on jouera à Info Mytho. Ah, mais je vous parlais d'un mec qui a pas de chance d'un faux mytho. Ah, merde. Ouais, vous nous direz si c'est vrai ou si c'est faux. Vous connaissez le principe, hein. Vous gagnerez votre iPhone 7 aussi tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Ah, le réveil de star. Réveil de star, c'est encore Cyril. C'est Cyril Hanouna. Ah oui, c'est toi, bien sûr, c'est Cyril Hanouna. Bonjour Cyril, comment vas-tu? Comment ça va? Bah, moi, ça va bien. On est content d'être là, ça fait plaisir. Merci Cyril d'être venu. Cyril Hanouna pour fêter ses 35 heures. Ouais, c'est ça. Ah, on a décidé de réveiller les familles avec Cyril Hanouna qui nous a parlé tout à l'heure d'un de ses fantasmes. Hein. C'est de lécher les boules de Motus. Il veut lécher les boules de Motus. C'est son fantasme à Cyril. Merci pour cette petite blague, Cyril. Il est très content. Oui, il est content. On va voir comment les familles l'accueillent. C'est le réveil de star, comme tous les matins sur Skyrock, aux alentours de 7h10, donc en 4-5 minutes. Juste après vous avoir offert 1 500 €. Ouais. C'est l'heure. Tu as l'enveloppe toujours? Oui, c'est bon, elle est toujours là, ouais. Il a résisté à l'ouvrir. Hein. Ah, mais là, je vais plus résister, là. Ah, bah alors, nous, c'est l'heure en plus. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non. C'est Skyrock. 1 500 € dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Oui, tout de suite, 1 500 € et il faut répondre Skyrock. Rock, attention, attention. Alors, nous allons à Stein dans le 93. Attention, le 9-3, la Seine-Saint-Denis et Stein. Et c'est Florence Ortige. Florence Ortige qui va tenter de gagner les 1 500 € ce matin. Bonne chance à Florence Ortige. Ouais. 1 500 €. Toutes les demi-heures, tous les matins, dans le morning. Allez, Stein. Vous répondez Skyrock, c'est dans la poche. Allez, Florence. Troisième sonnerie, il en reste plus que deux, faut répondre avant la cinquième, attention. Hein. Ah. Allô. Oui, bonjour, vous êtes bien au 0148. Florence est un homme. Excusez-moi de vous le dire comme ça, ça peut peut-être vous choquer. Mais... Au revoir. Bon, il n'y a pas Skyrock dessus, dommage. Ah oui, c'est une vrai. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier.

famille. Allô. Non, attends 5 minutes. On appelle d'abord et après tu dis allô. Doucement. Et il va réveiller les familles de France. C'est l'heure du réveil de Star. Les stars réveillent la France. C'est le Pakistanais à l'appareil. C'est le réveil de Star sur Skyrock. Ah, attention. Ça va partir en cacahuète. Ouais, c'est ça. Ouais. On retrouve donc tout de suite ce réveil de Star. Et oui, après les 35 heures de Cyril Hanouna la semaine dernière. Voilà, on vous en remet une petite couche. Allez, ouais. Si vous n'en avez pas eu assez, on en a encore. Bon, j'aime bien quand il réveille les familles de France. On va voir ce que ça donne. Tout à l'heure, Cyril Hanouna s'est fait reconnaître par les familles qui étaient très très très contentes. Ouais. J'espère que ça va se passer aussi bien. Nous appelons Gérard. On a appelé Gérard avec Cyril Hanouna. Voilà ce que ça donne. Imaginez-vous, chez vous, vous avez le téléphone qui sonne et au bout du fil, eh ben c'est Cyril Hanouna. Et ouais, ça c'est un réveil de star. Alors attention. Surprise. Ah. Allô. Allô, allô. Oui. Comment ça va? Ça va, c'est de la part de qui, s'il vous plaît? C'est Cyril. Cyril? C'est Cyril Hanouna. Eh oui. Ben non, pas du tout. Mais, non, mais dans la rue, ça doit être la folie. Bon. Dans la rue? La folie de quoi? La folie de quoi? Quoi, les gens vous demandent des photos tout le temps? Non. T'es une immense star. Ah bon? T'es pas une star? Non, non, pas du tout. Ben, je pose la question. Ah bon? Allez-y. Pourquoi vous avez choisi de vendre des sextoys? Des millefeuilles? Des sextoys. Ah non. Sextoy. Si t'as pas de sextoy, t'as un gars. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Vous avez déjà fait l'amour avec des menottes, vous? Oui, oui. Dites-nous comment ça s'est passé. Brune ou blonde? Ma femme? Bah oui. Elle est plutôt orangée. Oh là, vous merde. Êtes en couple? Oui. Avec qui? Avec Nelly. Ah ouais. C'est un beau prénom. Ah, ouais, je suis pas une belle femme, hein. Quoi, c'est un mannequin? Non, même pas. C'est chaud, hein, quand même, hein. Ouais, plus tellement maintenant, hein. Ah merde. Ah oui, c'est bien embêtant, hein. Quelle chose illicite as-tu déjà consommée? Oh là. Dites la vérité. Ah non, jamais. C'est vrai? Ben vous pouvez peut-être m'en envoyer un petit peu, non? Mais c'est votre anniversaire! Ah, la semaine prochaine. On peut pas organiser un petit smack? Oui, ah bon. Un petit smack, quoi. Un baiser. Oh là, c'est dangereux, ça. Hein. Vous êtes magnifique, en plus. Bon, une bonne journée. Bon, t'embrasses fort, mon chéri. Oui, bisous. A plus. C'est gentil, allez, Gérard. Allez, ciao. Eh ben, salut, Gérard. Et ouais. Voilà, avec sa femme qui est pas top modèle. Non, et qui baisse plus, en plus. Voilà, Gérard. C'est plus comme avant, hein. Et Nelly, hein, c'est plus comme avant. Ah ouais. Eh ben voilà, il était bien accueilli, Cyril Hanouna. Ça fait plaisir. Merci, Gérard. Merci, Nelly. Et attention au petit smack, Cyril Hanouna. Je rappelle le gros scandale de ce week-end. Jean-Michel Maire a embrassé le sein d'une femme qui était un invité lors des 35 heures de Cyril Hanouna. Et là, c'est un scandale, hein. Scandale national. La ministre s'en occupe, le CSA s'en occupe. Ah ben là, on est bien, là. Tu vois les titres dans les journaux, agression sexuelle dans l'émission de Cyril Hanouna. C'est chaud, hein. Bon, bah, c'est chaud. Il est de retour dans une heure, Cyril Hanouna, avec une nouvelle famille et un nouveau réveil de star. 7h15. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Me in ya. Me go the hardest, yes, me go the hardest, man. I Bill General, the rest of them are novice. Stepping at the place, turn it up, turn it up, turn it up. Timmy woke up at the forest, hey. Now me friend them a girl is graphic. Girl them know say me a the smartest. Up in your face, say the grades it a place. You know you know fi f**k with the yardist, hey. Watch out for this, this, this. Watch out for this, this, this. Watch out for this, I did my desk lyrics. Mash up the place, but she want up for this. Yo, me nah miss, number one bunny list. Mash up the place, oh my, hey. Shot for this sur Skyrock, le son de Major Lazer. Je crois que c'est même avec ce morceau qu'on a découvert les Major Lazer. Oui, oui, c'est ça. C'était avant Linon, avant tout ça, ça. Oui, oui, c'était oui. Super, ça, j'aimais bien. Watch out for this à 7h19 sur Skyrock. On prépare Soprano. On aura du Justin Timberlake à écouter. MHD avant 8h. Le nouveau Bruno Mars aussi pour vous. Un petit Dr. Dre un petit peu plus tard. Enfin bon, du son qui déchire. Vous en avez plein. Et. Les iPhone 7 à gagner. Le premier iPhone 7 de la semaine à gagner tout de suite sur Skyrock avec Info ou Mytho. Ah, j'ai une info qui déchire ce matin. Question de sélection, c'est moi qui vous la pose et puis après vous jouerez avec Cariole et ouais. Romano. Ouais. Mon info du jour, ça concerne un match de foot qui a eu lieu ce week-end. Nancy-PSG. Avec un beau match des Nancéens, mais une victoire du PSG. Qui a un peu ramé, mais qui a marqué quand même. Bon. Alors, 2-1, il y a eu, hein. Eh bien, on va parler d'un fan. Un fan qui voulait absolument aller voir ce match de foot. C'est un jeune facteur qui a voulu terminer sa journée plutôt pour assister au match qui opposait Nancy au PSG. Et par peur de rater le match Nancy-PSG, le facteur, qui n'avait pas fini sa tournée, a jeté tout le courrier dans la nature. Est-ce que c'est une info ou un mytho? Ça s'est passé à Nancy. Vous nous laissez vos messages. Si vous pensez que c'est vrai, vous envoyez info au 41-759 ou alors avec l'appli Skyrock. Si vous sentez que c'est un mytho, vous faites la même chose. Vous envoyez mytho au 41-759 et sur l'appli Skyrock. Vous laissez bien votre numéro et les réponses, vous pouvez les donner à partir de mon top officiel. Je vous donne tout de suite mon top officiel et à ce moment-là, vous appuyez sur votre téléphone et vous envoyez vos messages. C'est parti et l'iPhone 7 a gagné. L'iPhone à 750 balles, il est pour vous. Mais il est gratuit sur Skyrock. Gratuit, pas cher. Donc le facteur qui, par peur de rater le match Nancy-PSG, a jeté tout le courrier dans la nature. Est-ce une info ou un mytho? On vous dit tout dans un instant sur Skyrock. Il est 7h21. Ce soir, il est de retour dans la radio libre de Difool. Après sa cascade. Il faisait le kéké à côté de nous avec sa mobilette. Et bam. Plus cultivé que jamais. Le mont Everest d'ailleurs qui se trouve. Je sais pas, dans une montagne. Plus dragueur que jamais. Je suis commercial en sucette et on m'a dit que ta femme elle aimait sucer. Ouais. Si t'as pas d'amis, bouffe un curry, pauvre con. Plus beau gosse que jamais. Je suis beau gosse comme un saumon. Cédric. C'est Cédric. Reviens dans la radio libre de Difool. Ce soir, 21h minuit, sur Skyrock. Salut les filles. Jack Reacher, vous êtes qui, nom de Dieu? Never go back. Celui que vous n'attendiez pas. Tom Cruise, sans concession. Il est temps qu'on se mette en chasse. Sans remords. Faudra pas m'en vouloir. Sans retour. J'aime pas qu'on me suive. Jack Reacher, never go back. Tom Cruise. Vous êtes une légende. On raconte quoi d'autre? Mercredi au cinéma. Je suis pas la loi. Jean, 57 ans. Concernant le don de rein, qui peut donner à qui? Professeur Bastien, directeur des prélèvements et de la greffe à l'Agence de la biomédecine. Alors, si vous avez besoin d'une greffe, n'importe quelle personne de votre entourage très proche, famille ou ami, peut se proposer comme donneur auprès de votre équipe médicale. Il y a deux conditions toutefois, être majeur et en excellente santé. Pour toutes vos questions sur le don du rein, rendez-vous sur le site de l'Agence de la biomédecine, dondorgane.fr. Bon, pour cette soirée de Champions League, on attend Beansport sur tous les terrains. Alex, c'est toi le meneur de jeu. Avec Lyon et Monaco en exclusivité, on veut te voir à fond, ok? Ok, coach. Real, Bayern, Barça, Arsenal, on est sur tous les matchs d'arène, tous les buts, compris? Yes, sir. Allez, les abonnés seront aux premières loges sur Beansport. Vivez 100% de l'UEFA Champions League seulement sur beIN Sport. Avec demain, Olympique Lyonnais Juventus et CSKA Moscou AS Monaco en direct et en exclusivité sur beIN Sport. Voir conditions sur beIN Sport.com. Un pour tous pour l'anniversaire Intermarché. Plus que quelques jours, c'est les 4 semaines les moins chères de France chez Intermarché. Tentez de gagner votre voyage de rêve d'une valeur de 10 000 euros à composer vous-même et des milliers d'autres cadeaux. Pour jouer, gagnez des jetons à chaque passage en caisse. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse deux fois la différence. Modalité complète, règlement et magasins participants sur intermarché.com jusqu'au 23 octobre. Eh, à la Banque Postale, ils ont observé que vous parlez souvent de changer votre vieille voiture, de partir en croisière ou encore de refaire votre déco. Bon, à la Banque Postale, ils ont aussi observé que, force de constater, vous êtes passé maître dans l'art de remettre vos projets à demain. Ah si, ne niez pas, on vous a vu. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors profitez de leur bon taux sur les prêts personnels, auto, travaux et projets jusqu'au 5 novembre 2016 et réveillez vos projets. C'est ça l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Voilà, fini pour la pub et on va avoir la réponse à ma question là. Info ou mytho, c'est l'heure de jouer ensemble. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Et la radio qui vous file le plus d'iPhone, c'est Skyrock et c'est pour Elena ce matin, 16 ans à Drancy. Salut Elena. Salut. Salut Elena. Comment vas-tu Elena? Ça va, j'en ai réveillé là. Ah bah ça s'entend pas du tout, dis donc. Eh bah oui, mais on est là pour vous réveiller tous les matins, donc ouais, t'as raison Elena. Réveille-toi avec Sky et tu vas voir, tu vas peut-être te réveiller dans un instant avec ton iPhone 7 dans la poche. T'as passé la question de sélection avec succès, c'est bien. Tu vas devoir détecter le mytho. Il y a Cariole et Romano qui auront un truc à te raconter dans un instant. Ouais. Mais avant, bah on va donner la réponse à la question de sélection. Par peur de rater un match, le match PSG, Nancy PSG même plus précisément, de vendredi ou samedi dernier, c'est samedi, le facteur a jeté le courrier dans la nature parce qu'il était un petit peu en retard pour faire sa tournée. Allez hop, tout à la benne. Il s'est dit, putain, je vais louper le match, allez, je fous tout à la benne. Est-ce que c'est une info ou un mytho? Ah, c'est une info, il a tout balancé. Au total, 370 lettres destinées aux habitants de Méréville, en Lorraine. Si vous êtes en Lorraine, vous n'avez pas eu votre courrier, c'est normal. Hein. C'est normal, il est à la poubelle. Il a tout jeté et il s'en est débarrassé. Il voulait absolument voir le match. Le match était samedi après-midi à 17h. Bon, le problème, c'est qu'il a même pas vu le match, en fait. Ah, il s'est fait choper. Ah ouais, parce qu'ils ont retrouvé les sacs de courrier, les gendarmes ont fait l'enquête, ils sont allés voir le facteur. Bon, garde à vue, il a même pas pu assister à la défaite de Nancy face au PSG 2-1. Oui, j'imagine qu'il n'a plus de travail non plus. Mais oui, il n'a plus de travail en plus. Ah, non plus. Le mec, pas de chance. Bon, pas de chance, le facteur. Non. On devrait pas lui en vouloir parce que le courrier, ça mène que des mauvaises nouvelles, des factures, des trucs à payer. Ouais, mais le problème, c'est si la facture, tu la reçois pas, tu la payes pas, derrière, elle est majorée. Ah oui, c'est toi qui es dans la merde après. Bon, il a gagné une convocation pour être jugé par le tribunal correctionnel le 16 avril. Ah bah franchement, il a quand même gagné le gros lot. Bravo à lui. Bon, Elena, tu es qualifiée. Tu peux donc maintenant te retrouver en face de Romano, journaliste, reporter, intervieweur. Ouais, c'est ça. On va aller du côté de Dijon. Et puis avec Cariole de l'autre côté, ils vont te raconter tous les deux un truc. Faut détecter le mytho. On met en jeu quoi, hein, Elana? Hein? Pardon? Et on met en jeu quoi? On joue à l'iPhone. Eh oui, iPhone. On joue à l'iPhone 7. On joue à l'iPhone. On joue à l'iPhone. À l'iPhone 7, mais oui. On joue à l'iPhone 7. Info, c'est mytho. Qui dit vrai? Qui dit faux? À toi de détecter le mytho. Et Romano, écoute bien ce qu'il a à nous raconter ce matin. Alors, est-ce que vous vous souvenez de l'affaire du mec qui avait tout pété dans l'Apple Store avec les boules de pétanque? Oui, c'est le Dijonais qui était rentré et qui gueulait contre Apple, les multinationales, tout ça. Il était révolté parce qu'il avait eu un problème avec le service client. Le mec s'était pointé avec une boule de pétanque. Il avait tout pété dans l'Apple Store. Il prenait les iPhones, il les mettait à plat et il claquait la boule de pétanque dessus. Bam. Bon, ce week-end, le mec a réitéré. Ah, il est de retour. Encore? C'est pas vrai. Et puis, cette fois-ci, il était à la FNAC de Dijon. Ouais. Et là, il a eu le temps de le faire qu'une fois. Il a acheté, pareil, une boule de pétanque, mais cette fois-ci dans un écran de télé 4K. Ah, d'accord. Parce que, pareil, il avait eu un problème avec une télé qu'il avait achetée il y a quelques années chez la FNAC et il venait se plaindre à nouveau du service client en jetant une boule de pétanque sur la télé dans la FNAC de Dijon. Bon, direct, pareil, plaqué au sol par les agents de sécurité, emmené au poste, il sera jugé. J'avais déjà des doutes sur sa santé mentale. Si c'est vrai, ça va vraiment pas très fort, ce monsieur. Info ou mytho? Bon, ça c'est l'info de Romano, écoute bien celle de Cariole et après tu choisis. Moi ça se passe à Valence sur le boulevard Winston Churchill. Valence dans la Drôme. Et il y a un feu de signalisation qui était rouge et vert en fait. Ah, c'est pas mal. C'était ça. Les deux couleurs, donc vous imaginez, ça a posé quelques problèmes sur la route. Ah bon, mais tu choisis, non? Ouais, c'est au choix. Pas. Allez, au choix. Allez, je vais prendre vert, tiens. Si vous êtes à un feu rouge, regardez bien si tout n'est pas allumé. Alors, Donc ça, c'est l'histoire de Karine. Ouais. À Valence, le feu rouge, ou alors le taré avec sa boule de pétanque à Dijon. Qui dit vrai, qui dit faux, Elena? Bon, j'ai Carriole Info et Romano Mytho. Eh bien, tu sais, j'aurais dit comme toi, parce que Romano, ce matin, je le sens pas. Ouais. Je sens que c'est un gros mytho qui a voulu dire raconter une connerie pour te faire perdre. Et t'as bien raison, parce que c'est gagné. Bravo. Ça y est, l'iPhone 7 est à toi. Elena, l'iPhone 7, il est à toi. Bien joué, Elena. Merci, l'équipe. Eh, quel beau cadeau tu viens de gagner en ce début de semaine. Bravo, Elena. Tu vas au bahut, là, ce matin? Ouais, je vais être en retard. Bon, fais attention, c'est pas grave, tu diras qu'il y a un problème de feu rouge. Comme à Valence. Il y avait tous les feux d'allumés, c'était la panique. Donc le feu rouge, c'est vrai, à Valence, faites attention. Hein. Et sinon, ton info, Romano, la vraie info. Alors c'est un mec, bon, je crois que c'est le maladroit du week-end. Ouais, il y a la vidéo qu'on va vous mettre sur les réseaux de Sky. Le mec, ça se passe en Angleterre. Le mec va dans un magasin de télé, se met accroupi pour regarder une télé et touche l'écran avec son doigt. Bon, je sais pas comment il se démerde, la télé se casse la gueule. Blam. Effet domino, il y a une deuxième télé derrière. Bam, elle se casse la gueule aussi. C'est le domino day, mais avec des télés. Une troisième, bam. Une quatrième, bam. Il en a pété combien? Bah, quatre. Ah, quand même. Effet domino, plus de 5 500 € de réparation. Ah, il est obligé de payer? Ah, bah, il va être obligé de payer, ouais. Ah, t'es obligé de payer? Là, en fait, là, on sait pas exactement si le mec va être poursuivi, si c'est l'assurance qui va marcher. Mais le mec, il est mal et on va vous mettre la vidéo sur les réseaux. Ah ouais, elle est super celle-ci. Allez la voir sur le Facebook de Skyrock, sur le difool.skyrock.com, sur le Snap, partout. C'est Skyrock FM pour nous trouver. Allez-y. Et ben voilà, Elena, une bonne chose de faite. T'as bien démarré ta semaine avant de partir au bahut ce matin. L'iPhone 7, il est pour toi. On te fait un gros bisou, Elena. Merci. Ah, il te rendort pas. Hein. Elena. Là, t'as le réveil difficile, Elena. Ah, Elena, elle a tout donné pour l'iPhone 7. Là, il n'y a plus personne. Bon, je retourne me coucher. Bah, l'essentiel est assuré, Elena, c'est bien. Soprano en feu et dans un instant, vos 1 500 €, c'est pour vous, c'est à gagner. Inscrivez-vous au 7-20-20 d'ailleurs si vous voulez augmenter vos chances de gagner. Vous envoyez 1 500 au 7-20-20. On peut vous tirer au sort, hein, ouais. Dans un instant après Soprano en feu et les infos de Rémi. Allez, c'est parti. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prince de la ville. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la lucarne. Sors de la piste, fais le grand écart de bandage. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, si tu me parles, si tu me touches, car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Je suis en feu. Ça sent le brûlé, ça sent le brûlé. Appelle les pompiers, je suis chaud. Extrait de son album que vous avez découvert toute la semaine dernière dans Planète Rap. Et ouais, elle était l'invitée toute la semaine dernière de Planète Rap. Cette semaine, c'est Tal qui débarque dans Planète Rap. Ça va être super, ça, encore. Ouais. Tal entre 20 et 21. Et Soprano qui est terminé la semaine au Vélodrome. C'est super, ça aussi. Avec Jules en surprise. Avec Jules en surprise. C'était vendredi soir dans Planète Rap. Loupez pas les grosses soirées de Skyrock. C'est Planète Rap à 20h. C'est Radio Libre à 21h. Et on en parle aussi, hein, le grand retour de Cédric. Événement ce soir. Mais c'est sans doute même l'événement de la journée. Exactement. C'est... D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Rémi des infos ne le met pas en titre. Bah oui, c'est vrai ça. S'il nous parle de Mossoul, tout ça, même parle de choses importantes, le retour de Cédric. Ah ouais. Tu réagis ouais. pas, non. Tu te souviens de lui ou pas quand même? C'est qui déjà? C'est lui. Rappelle-toi, Cédric, ce soir le retour. Ah mais il est content, ça fait plaisir. Et oui. Oui, un peu tout con aussi. Dans la radio libre, ce soir entre 21h et minuit, loupez pas le rendez-vous, on lui fait une soirée spéciale. Et on aura en plus Big Flo et Loli. Ça va être sa fête. Ouais, qui débarque pour lui dans la radio libre. Ah, ce soir, Cédric dès 21h. Donc grosse soirée à suivre sur Skyrock. Attention, il est 7h32, on prépare les 1500 euros. 1500 euros qui vont peut-être enfin tomber ce matin. On a déjà passé deux coups de fil. On attend. Et ben c'est le troisième qui arrive là. Allez, c'est peut-être pour vous. Branchez bien les téléphones, bonne chance à vous. Les conseils pas chers arrivent aussi ce matin avec au programme. On va parler photo. Ah, photo. Ouais. Photo, retouchage photo, filtrage et tout ça. On va parler de ça dans les conseils pas chers. Ok. Okay. Je vais gagner de l'argent grâce à ça. Ok, super. Et Justin Timberlake qui arrive juste après les infos sur Skyrock. L'actu, le sport, mais d'abord notre météo pour aujourd'hui. Oh bah écoute, aujourd'hui c'est presque de la pluie pour tout le monde. Ah bah oui, c'est ça. Un moment ou un autre de la journée, ça risque de tomber. Voilà qui est bien résumé, le ciel est encombré, bien maussade, voilà, de la pluie pour presque tout le monde. Mais il y a quand même des irréductibles en Bretagne aussi, dans voilà, en Normandie, Pas-de-Calais, là. Eh bien le ciel sera relativement épargné, même avec des éclaircies aujourd'hui, donc ça concerne le Nord-Ouest. Partout ailleurs, donc de la pluie, au moins des nuages très menaçants et puis des orages possibles cet après-midi sur les bords de la Méditerranée. Les températures comprises entre 7 et 15 degrés ce matin, il fait doux. Les températures donc au-dessus des normales de saison, 12 en région parisienne, de 15 à 18 dans le nord et le centre cet après-midi et puis entre 19 et 22 dans les régions du sud. Et puis la pollution, ça va, on respire bien aujourd'hui, les indices compris entre 2 et 4, 5 sur Nice, Marseille et Avignon. Et avant vos 1500 euros, l'actu et le sport pour tout savoir. Et un moment décisif pour Washington, une guerre que le monde entier va suivre là dans les prochains jours. C'est le premier ministre irakien qui l'a annoncé il y a quelques heures. La bataille de Mossoul a commencé. L'armée irakienne est mobilisée avec le soutien des Kurdes. L'objectif est de reprendre la ville, la deuxième du pays contrôlée par Daesh depuis juin 2014. Les combats s'annoncent longs et violents. L'ONU a fait part de son inquiétude puisqu'il y a encore sur place 1 500 000 civils. Il pourrait y avoir énormément de pertes humaines. Toujours beaucoup de questions à Angers après l'effondrement d'un balcon. Dramatique accident qui a coûté la vie à 4 personnes et on a blessé 14 autres. C'était samedi soir. La chute de ce balcon a entraîné la destruction des 2 autres qui se trouvaient en dessous. Des experts en construction ont été mandatés par la justice, mais le bâtiment datait des années 2000. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Une 50aine de cellules inutilisables à la prison d'Eton en Savoie, conséquence d'une mutinerie qui a éclaté hier en fin d'après-midi. Des détenus ont mis le feu à des matelas et l'incendie s'est propagé rapidement. Personne n'a été blessé. Le calme est revenu dans la soirée. La rédaction d'Itélé a 2 doigts de craquer selon Libération, la chaîne qui s'enfonce même dans la crise pour Ouest France. Rien ne va plus depuis l'annonce de l'arrivée de Jean-Marc Morandini pour son émission de ce soir. Les journalistes doivent se réunir là ce matin et une grève pourrait être décidée. Ils estiment qu'il ne peut pas être la vitrine, Jean-Marc Morandini, d'une chaîne info en raison de sa mise en examen pour corruption de mineurs aggravée. Bonjour, c'est Jean-Marc. Un petit rappel, si vous êtes proprio, c'est le dernier jour pour payer la taxe foncière. Et oui, vous avez jusqu'à ce soir minuit ou jusqu'à samedi si vous payez via Internet. Et le poids sur le sport maintenant, sport avec la fin de la 9e journée de Ligue 1 et Dan Carter, ça c'est du rugby non? Oui. Il est blanchi. Ouais, Marseille s'offre une victoire pour son dernier match sous l'ère Dreyfus. Le club phocéen changera officiellement de main aujourd'hui, hein. Ça battra bientôt pavillon américain avec le nouveau boss Frank McCourt. Victoire 1-0 contre Metz grâce à un but signé Bafétimbi Gomis. Dans les autres matchs un peu plus tôt, match nul 1 partout entre Rennes Bordeaux et Saint-Etienne Dijon. Au classement, Nice creuse l'écart, est en tête avec 4 points d'avance sur Paris. Monaco est 3e devant Toulouse. Et Guingamp, et puis pas de suite dans l'affaire des corticoïdes du Racing 92. Selon l'équipe, Dan Carter et 2 autres joueurs auraient été blanchis par la Fédération Française du Rugby. L'Agence Française de Lutte Contre le Dopage a encore la possibilité de faire appel. Et les joueurs concernés ont été contrôlés après la finale du Top 14 en juin dernier. Le club avait assuré que les traitements étaient autorisés. Merci Rémi pour les infos. La suite tout à l'heure à 8h. Là il est 7h36, c'est l'heure de vous offrir 1500 euros. C'est parti. Le Morning de Difool, 3 heures de déconne en direct tous les matins sur Skyrock. The Morning Show. Ouais, et bon réveil avec le Morning sur Skyrock. Salut à Anaïs, gros bisous Anaïs. Il pleut en Normandie ce matin, mais tu vas voir cet après-midi il fera beau Anaïs, t'inquiète. Malak, vous êtes les meilleurs, vous mettez de bonne humeur, mais vous avez aussi le droit de m'appeler pour les 1500 euros. C'est bien noté Malak, j'espère qu'on va t'appeler un de ces prochains matins, peut-être maintenant d'ailleurs, parce qu'on va vous offrir 1500 euros tout de suite. Mais avant ça, Romano, dis-nous, qu'est-ce qu'on fait dans les conseils pas chers? Eh bien, ce matin, je vais être retoucheur photo. Ah, c'est donc ça l'histoire des photos, tout ça. Tu es retoucheur photo. Pourquoi tu es allé sur les réseaux les sociaux? Les profils des gens, ça ne va pas du tout. Ah, ils sont vilains. Ah, oui, ils sont vilains. Ah, ils sont vilains. Je vais être obligé de leur dire et je vais dire que je vais utiliser Photoshop. Ouais, on va voir si ça marche comme nouveau métier. Faut penser aux métiers nouveaux avec les nouvelles technologies, tout ça. C'est bien ça. Retoucheur photo. Est-ce que ça marche? On va tester ça dans un instant. Bah, déjà, il y a un paquet de gens qui retouchent leurs photos. Un Européen sur deux retouche ses photos avant de les poster. Mais pas que les photos de profil, hein, les photos de famille, toutes les photos. Moi, c'est pas ce que j'ai le mieux, mon profil. Non, non, c'est vrai. Je suis mieux de face, moi. Faut raboter un peu pour que ça tienne dans la case. Moi, d'ailleurs, je suis le seul qui n'a pas de photo de profil, j'ai que des photos de face. Ah ouais, magnifique. Bon, on en reparle tout de suite, on fait le test dans les conseils pas chers. On aura notre winner du jour aujourd'hui. Tiens, tous les matins, un winner, un loser dans le top win, top lose. C'est un winner, il est français, il fait un carton à l'étranger, on va le découvrir. Mais avant ça, eh ben, 1500 euros à gagner, on y va tout de suite, on perd pas de temps, c'est pour vous. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. 1500 euros dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Eh ouais, on se réveille tous ensemble et on vous offre de l'argent le matin. Qui va tenter de gagner les 1500 euros? Enfin, qui va tenter de les gagner? Ça se passe dans le sud-ouest de la France. Si vous êtes une fille du côté du 47, et même plus précisément à Agen, vous allez peut-être gagner 1500 euros. On appelle la famille Monnier. C'est Laetitia qui a été tirée au sort. Laetitia Monnier, 1500 euros à gagner sur Skyrock. Faut répondre Skyrock dès qu'on vous parle radio au téléphone. Allô? Alors, allô? On va faire le test. Oui, Laetitia? Oui. Quelle est ta radio préférée? Skyrock. Eh oui, Laetitia. Le test est réussi. Tu viens de gagner 1500 euros en ah direct, ouais. Laetitia. C'est pas ah vrai, ouais, Laetitia. Ouais. Et c'est 1500 euros pour toi, Laetitia. Oh. Et voilà, c'est la surprise du lundi matin. Tu vois, le début de semaine a du bon. Ah oui. Ah bah ouais, t'as vu. Ah bah là, ça commence bien. Ouais. Ah oui, il a plus que bien. Ah bah t'as vu ça un peu. Hein. Rapide, bien joué, bien fait, Laetitia. Présente-toi un petit peu. Tu as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Tout ça. J'ai 30 ans, je suis assistante maternelle. Très bien. Et j'habite à Agen. Très bien. Voilà. C'est bien Agen comme ville, hein? Oui, Agen. Ah, on mange des pruneaux, tout ça, super. Ah ouais. Ah, génial, c'est la folie. Oui, on mange pas que des pruneaux, heureusement. J'espère, mais... parce que vraiment, t'as la chiasse. Oui. C'est ça. Avec modération, les pruneaux, sinon. Oui, faut y aller mollo. Voilà. Bon, Laetitia, les 1500 euros arrivent à la maison. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes 1500 euros, toi? Je sais pas, on va peut-être en profiter pour Noël. Oui, c'est bien, c'est vrai qu'on est à deux mois de Noël, là. Ouais, c'est vrai, oui. Ouais. Novembre, décembre, 17 donc, ouais, deux mois, une semaine. À mon petit garçon, donc, c'est bien. Comment il s'appelle? Noah. Il nous écoute, Noah, le matin, j'espère, hein. Non, là, il doit désolé, regarde ses petits dessins animés le matin avant d'aller à l'école. Ah, ouais. Bah, écoute, la maman écoute Skyrock. Comme ça, le petit regarde la télé, il te fout la paix. Tu peux écouter Sky tranquille et répondre Skyrock quand on t'appelle. T'as gagné 1500 euros. Bravo, Laetitia. Merci. Super, il était peut-être pas la dernière. Hein. On recommence dans une demi-heure. Encore 1500 euros à gagner. Vous avez le mode d'emploi. On vous appelle. On dit radio. Skyrock. Skyrock. Ouais. Hein, vous avez compris. Ouais. Téléphone, oui. Radio, Skyrock, 1500 euros. Oh, mais c'est super. Salut Laetitia, raccroche pas, on prend tes coordonnées. Le chèque arrive dans une semaine à la maison, très vite. Hein. D'accord, merci. Bisous, bisous Laetitia. Salut, bisous. On t'embrasse. Bisous, bisous au petit Noah. Salut. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Non, putain, non, je suis refait là. Dès le réveil. Dès le réveil. Oh, Justin Timberlake. Can't stop the feeling. C'est qu'on m'a compris pour lui ce week-end, c'est un truc de fou. Ah, mais incroyable. Dingue. Hein. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. It's in the air. what's in my blood is rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When just imagine. You, when you dance, dance, dance, feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Stop the feeling, Justin Timberlake. Si, si, je vous assure, il y en a plein qui doutent, là, qui laissent des messages d'e-fool impossible qu'on ait pris pour Justin Timberlake. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Non, mais c'était dans le noir de dos. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout, c'était en pleine journée avec du soleil et tout. Non, non, Romain. Mais le mec, il y avait un problème. Non, mais c'est des filles. Là, ça avait des soucis. Les... Ah, Justin. Justin. On prend pour Justin Bieber. Non, Timberlake. Ah, ouais. Justin Timberlake et Can't Stop the Feeling. C'est peut-être mon petit pas de jambe et tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça. Bah, parce que forcément, quand tu marches dans la rue, tu danses un peu. Oui, quand j'écoute Skyrock, quoi. Hein, bien sûr, Romain. Quand t'as l'équipe américaine, tu défiles. Ouais. Si vous voulez avoir le swag ce matin, quand vous allez au bahut ou vous allez au boulot, n'hésitez pas, en écoutant Skyrock, à faire un petit pas de danse très, très impressionnant pour un les filles. Un petit pas chassé, hop là. Ouais. On pourrait le faire sur MHD, tiens, qui arrive. MHD qui arrive dans un instant. On va l'écouter avec Akelenta juste après les conseils pas chers sur Skyrock. Après Alice au pays des merveilles, c'est Romano au pays de l'oseille. Les conseils pas chers sur Skyrock. Et on va tester ce matin les retouchages de photos. Un Européen sur deux, tu nous disais, Romano, a pris l'habitude de retoucher ses photos avant de les mettre sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai pas besoin, moi. Non, c'est magnifique. Magnifique comme ça. Mais info étonnante. Oui. Étonnante. Vas-y. C'est les mecs qui retouchent plus les photos que les filles. Ah ouais. Ah ouais. 52% des mecs, alors que les femmes ne sont qu'à 47%. Elles savent peut-être pas faire. Oui. Ah, c'est ça, ouais. Moi, je me suis dit, c'est parce qu'on est plus vilain, peut-être. Mais non, je pense que je suis d'accord avec toi, Romano, si vous avez du mal, peut-être, les filles. Bon, ceux qui corrigent le plus les photos, c'est les 18-24 ans, c'est pareil. Après, je pense que dans l'âge, arrive à un certain âge, ils ne savent plus faire non plus. Oui, ils arrivent plus à 60 ans, tu sais pas retoucher ta photo. Et beaucoup, les corrections sur l'apparence, c'est les yeux rouges, le visage, la peau. Dans quel but? Gommer les défauts à 61%, paraître plus jeune à 20%, plus attirant à 18%, plus bronzé à 12%. Ouais, d'ailleurs, il y en a qui mettent trop de filtres. Hein. Ouais, ouais. Quand tu termines orange sur une photo, c'est pas bon. C'est pas bon. Eh bien, ce matin, je suis retoucheur photo. Un nouveau métier qu'on va tester, est-ce que ça marche? Retoucheur photo, on appelle des familles. J'ai vu leurs profils sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Je les ai trouvés en gros dégueulasses et je leur propose un retouchage à la palette graphique. Allez, c'est parti. Allez, envoyez du client. Donc chez les Français, partout, partout en France, on appelle numéro au hasard. Et Romano, tu fais ce petit test, est-ce que retoucheur de photo, ça marche? Donc on considère que les gens qu'on appelle sont un peu laids. Exactement. Jean-Luc. Oui, bonjour, c'est Jean-Luc. Non, c'est sa femme. Ah, c'est sa femme. Mais dis donc, et Jean-Luc a la même voix que toi? Ah oui. La femme à Jean-Luc? Oui. Oui, eh oui. Dites voir, ça ressemble. Ça semble. Mmh. Dites voir, j'appelais Jean-Luc là, à propos de son Facebook. Oui. Oui, parce que j'ai vu sa photo là qu'il a mis, mais ça va pas du tout, hein, il fait peur. Hein. Ah oui, il faut qu'il mette une photo de lui quand il est joli. Ouais, donc ce que je proposais, c'était de le passer un petit coup à Photoshop. C'est faire un retouchage photo. Mais c'est qui? Eh ben c'est Monsieur Lapin, c'est l'appareil retoucheur photo de Facebook. Oh, c'est une connerie ça. Hein. Ah non, non, pas du tout. Il est là le père Jean-Luc ou pas? Oui, il est là le père Jean-Luc. Mais ah c'est bah, pas tiens, le père Jean-Luc qui va sur Facebook, c'est la mère Jean-Luc. Ah bah dis donc. Ah bah, c'est bah t'as une tête d'homme, il faut qu'on te retouche. Je vais te rajouter des cheveux et puis te raser la moustache. Oh non. Oh oui, oh, bah, c'est encore une connerie. Ah allez, non, non, pas du tout. Oh, on l'a pris pour Jean-Luc, la pauvre. Elle a une tête d'homme. Bah ça arrive. Oh merde. Toi-même, Romano, dans ta famille, tu avais une tante qui avait une tête d'homme. Bah je l'ai toujours, je te remercie bien. Ah pardon. Je ne suis pas au courant, mais. Elle a toujours une tête d'homme. Ah j'imagine, ouais. Elle était belle. Ah oui. Des queues de bouteille, des poils sur les joues. Ah ouais, et une vraie tête d'homme. Et hipster en plus. Allô? Oui, bonjour. Oui. Pascal. Oui, c'est la femme de Pascal? Oui. Oui. Bonjour. Comment allez-vous? Ah, ça fait plaisir. C'est moi, c'est, je ne connais pas la voix. C'est monsieur Lapin, c'est l'appareil retoucheur photo. J'ai appelé pour Pascal, j'ai regardé son Facebook. C'est une horreur dessus. Ah, ah ouais, il a mis une photo. Il ah ouais, il est abominable. Est-ce que je pourrais lui parler? Mais non, il n'est pas là. C'est pourquoi? Je voulais en fait retoucher sa photo sur Facebook pour qu'il soit plus beau. Je lui gomme les défauts, bah en gros j'enlève la photo quoi. Ah ouais, ça sera mieux pour lui hein. Ah non non, on va mettre la photo de quelqu'un d'autre. Ouais, d'accord. Et je facture 500 euros. Hein? Bah oui. Donc je vais venir les chercher. Là, vu qu'il est pas là, Jean-Luc, je vais passer te voir vers 8h. Comment? Je passe te voir vers 8h là. Mais c'est qui là? C'est monsieur Lapin, ce retoucheur photo. J'ai rencontré Jean-Luc au bistrot. Oh, c'est des conneries, ça. Non, non, non, je vais arriver dans 5-10 minutes, là. Tu me prépares un petit café, tu m'ouvres le Facebook de Jean-Luc, j'enlève la photo, je la modifie et c'est parti, tu me donnes 100 euros. Allez, je te dis à tout de suite, ma belle. À tout de suite, poupée. Allô? C'est bébé. C'est pas des conneries, ça. Ouais, c'est pas des conneries, non. Bon, j'arrive dans 5 minutes. Quand même un doute. Tu vas voir si c'est des conneries ou pas. Elle doute quand même. Ouais. On arrive tout de suite, ma chérie. J'ai un doute, là. Ah, t'as un gros doute, hein, pas de doute, va. Pas de doute, va voir la photo, tu vas voir, on dit pas de conneries. Hein. Ah non, non, ça va pas du tout, Jean-Luc. Abominable là-dessus. Pascal. Ah, Pascal. Ah, c'est Pascal. Ouais. Ah, c'est Pascal. Ouais, c'est Pascal. Ça fait une heure que t'es sur Jean-Luc. Bah oui, mais pourquoi vous l'avez pas dit, les imbéciles. Si, je le dis, les imbéciles heureux du standard. Bon, on te fait un bisou, la femme de Pascal. Pascal. Ouais, c'est mon frangin, ça, c'est de Michel. Ah, d'accord. C'est Michel. Comment tu m'as reconnu? Hein? Tu m'as reconnu? Oui, je t'ai reconnu, mon frère. Ah là, je suis bourré comme un coin, dis donc, tiens. Ah mais par contre, moi je suis un poteau du frère, moi. Ouais, ouais. Ah si. Je t'assure, hein, Pascal, il est abominable sur la photo. C'est qui m'a fait peur, hein. C'est vrai. Ah bah j'ai regardé son Facebook, je vais te dire. Ouf, qu'il la laisse peut-être, c'est bientôt Halloween. Oh, les salauds. Bon, on te fait bise. Qu'il la laisse jusqu'au 31, le 1er novembre, il faut la changer. Non, mais là, je vous prends au mot, je vous attends. Ah bah on arrive. On arrive. C'est gentil. Nous, on va te prendre tout court, nous. Ah. Ça sera pas au mot, nous. On va te prendre 100 euros déjà, tiens, c'est pas mal. Voilà. Bon, on t'embrasse. À tout à l'heure, chérie. Salut, oui, ma chérie. À tout à l'heure. Bisous, ma poule. Et oui, Skyrock, la radio qui met du bonheur dans les chaumières. Ah, attends, t'es ça, frère. Ça déchire comme ça. T'aurais pu lui dire qu'on appelait ta sœur. Bah oui. J'ai découvert que j'avais une sœur ce soir. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, dans un instant sur Skyrock, on va retrouver le winner du jour. Tiens, dites-nous, quel est le joueur que vous floqueriez sur vos maillots de foot? En gros, vous marqueriez quel nom de joueur sur votre maillot? Très bien, tu traduis parce que t'as vu que Carriol comprenait rien. Hein, oh, ça y est, je sais ce que c'est un flocage quand même. Ah, c'est bien, Carriol. Tu progresses en foot, c'est fou. Ouais. Bon, le winner du jour est un footballeur. Vous allez voir, on peut être fiers de nous. De nous, les Français. C'est un Français. Vive la France! Et vive la République! Ouais, qui est le winner du jour? On le découvre. Et puis, dans une minute, votre horoscope de l'amour. Le job s'habille plus en Prada. Soprano. Le job s'habille plus en Prada. Soprano, son nouvel album L'Everest, enfin disponible. Bon, à la Banque Postale, ils ont étudié votre tendance à garder votre chère vieille voiture. À la Banque Postale, ils ont aussi étudié qu'elle vous coûte quand même plus cher que vous ne l'imaginez, hein, parce qu'elle demande beaucoup d'entretien, cette chère vieille voiture, hein. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils étudient, ils agissent. Alors jusqu'au 5 novembre 2016, profitez de leur bon taux sur le prêt personnel auto et en route pour financer votre nouvelle voiture. C'est ça l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. Service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Et c'est parti pour l'horoscope de l'amour sur Sky. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et oui, juste avant de parler de notre winner du jour, et bien voici l'horoscope de l'amour avec, pour ce lundi, un 5 sur 5, la meilleure puissance amoureuse pour les béliers et les balances. Vos désirs seront comblés aujourd'hui, ça va bouger dans votre ciel sentimental, et ça va bouger dans le bon sens, en bien et même en très bien aujourd'hui. Bélier balance, 5 sur 5. 4 sur 5, les sagittaires et les vierges, c'est super pour vous aussi, vous serez en harmonie avec tout votre entourage aujourd'hui. Profitez bien de vos amis, de vos amours et tout le reste. Verseau, scorpion, vous avez 3 sur 5. 5, vous saurez mettre intelligemment, ce qui ne m'étonne pas. Non. Vos qualités en avant. Très bien. 2 sur 5, les taureaux et les gémeaux, intéressez-vous aux autres, ouvrez la conversation et c'est en communiquant que vous vous comprendrez mieux avec les autres et que vous arriverez à vos fins aujourd'hui. Les taureaux et les gémeaux, vous avez 2, c'est bien. Hein, pour 2, c'est bien. Oui. 1 sur 5, les poissons et les cancers. Bon, attention, attention aux mauvaises langues aujourd'hui. Elles se créent discret sur votre vie sentimentale. Après, ça parle mal, vous savez comment ça marche. 1 sur 5, poissons, cancers et 0. Eh ben voilà, on démarre bien la semaine, les lions et les capricornes. Célibataire, abstenez-vous de draguer quelqu'un qui est déjà en couple, sinon embrouille. Et si vous êtes en couple, les lions et les capricornes, évitez de mater devant votre partenaire. Elle va vous faire une crise, ou il va vous faire une crise, hein, lions et capricornes. On a 0, on fera mieux demain. Il n'y a pas le choix. Ah, on sera en progrès. Vous nous laissez les noms des joueurs que vous voudriez floquer sur vos maillots. Merci pour les messages. J'ai du Gignac pour le Marseillais 34. J'ai du CR7 pour Olivier. J'ai du Griezmann pour Jules du 02. Il y a du Fekir pour Fekir 18. Ouais, j'ai mis Stone qui nous dit du Zlatan parce que Zlatan is the best. Zlatan is the best. Et on va voir dans un instant un Français qui se met à l'honneur. C'est notre winner du jour. Et bien on en reparle juste après le son de MHD. Akelenta, c'est super ça. Ah, Akelenta. Akelenta. À 7h53 sur Skyrock. MHD, une découverte Sky. Ah, c'est plus qu'un pote, c'est devenu un frère. Quand je marche avec lui, pas rien de mes frères. On a vécu des choses qu'on peut pas citer. Entre nous, pas de langue de bois, pas de secret. On n'a pas changé, les années sont passées. Certains nous ont lâchés. On s'est promis d'être soudés jusqu'au bout. Tu l'as choisi, vous deux, c'est l'amour fou. Tu connais sa famille, elle connaît la sienne. Dans les moments durs, elle partage ta peine. N'aie pas d'inquiétude, t'es sa première et dernière. Accroche-toi, le bonheur t'appelle. Ah, ce soir c'est ton jour. Démarrer, on est tous dans la foule. Tout le monde est présent, personne ne veut rater ça. Des petits au grand, la famille au complet. Je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête. Des souvenirs qu'on pourra se partager. Mon ami, à quel état? La première naissance, la vie de famille se construit. Elle t'a donné sa confiance. Forcément, y a des hauts et des bas. C'est qu'une étape à franchir, cousine, tu sais. N'écoute pas les gens, tous les hommes sont pas pareils. C'est qu'une légende. Si tu l'aimes, c'est réciproque. Je le connais par cœur, c'est quand même mon pote. Je vois son sourire quand il passe la bague au doigt. Ça me fait plaisir, ça me fait rêver. Tout le quartier s'est déplacé pour toi. Ton histoire ne fait que commencer. Ce soir, c'est ton jour. La noce fait démarrer. On est tous dans la foule. Tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça. Des petits au grand, la famille au complet. Je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête. Des souvenirs qu'on pourra se partager. Elle t'a choisi, le destin s'est pas trompé. Une étape de franchie. Le meilleur moyen de se ranger, c'était de s'unir. Désormais dans la cour des grands, la fierté des parents quand ils verront leurs petits-enfants. Mon ami, on est fiers de toi. C'est adultiné, à quel endroit. Ce soir c'est ton jour, la noce fait démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça. Des petits au grand, la famille au complet. Je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête. Des souvenirs qu'on pourra se partager. C'est mieux pour vous, je vous assure. MHD avec Akelenta, c'est bien, ça va en forme ça. 7h56, on va vite passer à notre winner du jour. Je vous ai demandé il y a un instant, vous aimeriez floquer qui sur votre maillot de foot? Benzema pour Hassan Hey, salut Hassan Hey. Atem Ben Arfa pour Sam Kai. Dybala pour Emilien. J'ai les messages qui arrivent. Dybala. Dybala. C'est le joueur de la Juve, argentin. Juve, ah. Juve. Juve, Juve. J'aime bien la Juve, c'est mon équipe préférée en Italie. Pogboom pour Logan, Pogba pour Shine, Zidane pour Hassan. Eh ben dis donc, il y a Zidane de retour, dis donc. Alors, quel est le joueur qui fait un carton actuellement en Angleterre? Et on a été très surpris par ce sondage, c'est pour ça que c'est notre winner du jour. Le winner du jour. Le winner du jour. Alors, le winner du jour, qui est celui qui vend le plus de maillots en Angleterre? Ah, facile. Ah. Zlatan, is the best. Non, Zlatan, je suis désolé, c'est pas toi, Zlatan. C'est un joueur d'Angleterre. Ouais. C'est un joueur qui joue en Angleterre, ouais. Wayne Rooney. Non, j'ai dit qu'on mettra en valeur un Français. Un Français. Payet. Non. Payet, il est huitième meilleur vendeur de maillots en Angleterre. Alors, ah, Pogba. Facile, Pogba, bah oui. Bonne réponse de Romano qui grille Karim. Bien joué. Bien joué, Romano. Zlatan est deuxième. Merci, Skyrock. Ah, d'habitude, il est pas content d'être deuxième, Zlatan. Il doit être énervé, Zlatan. Ah, ouais, parce qu'en France, il était premier, non? Et ouais. Ils vendent moins de maillots que Paul Pogba. Paul Pogba, numéro un. Deuxième, Zlatan Ibrahimovic. Troisième, Alexis Sanchez. Le pauvre, il a pas de chaise. Bah, il faut en acheter. Et ouais. Après, il y a Özil. Ça, c'est celui qui a les yeux qui sortent, là. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Et ben voilà, donc, notre Paul Pogba, c'est celui qui vend le plus de maillots en Angleterre. Bah bravo, Dimitri Payet 8e. Ouais, il est fort ce Pogba. Et 9e, c'est Eden Hazard. Eh ouais, Eden Hazard. Je le sais de tête. Notre ami belge. Bravo Romano, mais tu es très fort. Bravo Paul Pogba, ça nous fait plaisir à nous. Hein. Ça me fait vraiment plaisir. Ah bah ouais, t'es numéro 1 des maillots. Bravo Pogboum. Il touche de l'argent sur les maillots, non? C'est ouais, je crois. Si, si, dans le contrat, c'est marqué. Ouais. Ah bah j'imagine, je comprends pourquoi ça te fait plaisir. Hein. C'était un plaisir. Ah bah oui. Ah bah tu m'étonnes, continue d'en acheter. Hein. Bravo Pogba. C'était Pogba World. C'est le Pogba World, c'est lui qui vend le plus de maillots en Angleterre. Donc c'est notre winner du jour, il représente bien la France. Bravo Polo. Bravo Polo. Et allez les Bleus, prochain match des Bleus, ce sera le 11 novembre. On en reparlera évidemment dans le morning. Il est 7h58, vite, la pub en speed, juste après vos infos et encore vos 1 500 € à gagner sur Skyrock. Sadek. Sadek, découvrez son hit Andale avec Gradure sur sa nouvelle mixtape. Sadek, Andale, à écouter sur Deezer. Showroomprivé.com présente. Ce joli sac à main, livré tout de suite demain. Ce jupon blanc et gris fera la route avec lui. Ce haut de demoiselle sera vite fait chez elle. Il sera accompagné d'un petit déshabillé. Elle est livrée vite fait avec Showroom Privé. Les grandes marques jusqu'à moins 70% et livrées en 24 heures, c'est le service demain chez vous de showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Offre valable sur les ventes labellisées demain chez vous. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac plus 5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Bon, t'es prête? On y va? Attends, chérie, je regarde juste un truc sur mon téléphone. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Je vous confirme que vous êtes bien assuré chez nous. Nous nous sommes occupés de toutes les formalités auprès de votre assureur précédent. Ah, parfait! En plus, vous venez d'économiser 270 €. C'est mon appli banque qui va être contente. Je ne vous le fais pas dire. En souscrivant chez Direct Assurance, nos nouveaux clients économisent en moyenne 270 € pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Alors, rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Conditions sur le site. Intersport. Paul, regarde tout ce que je me suis offert. Une paire de chaussures de running, un sweat, un survêtement, 3 t-shirts, 4 paires de chaussettes, 2 brassières et un blouson pour toi. Waouh, comment tu fais ça? C'est l'effet carte Intersport. Vous allez adorer la fête de la carte chez Intersport. Du 17 au 29 octobre, profitez de 25% de réduction sur tous les articles textiles et chaussures. Oui, moins 25% grâce à votre carte Intersport. Intersport, le sport commence ici. Voir conditions en magasin. Liste des magasins participants sur intersport.fr. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Plus que quelques jours pour profiter des 4 semaines les moins chères de France. Cette semaine, vous avez jusqu'à 50% d'économie sur une grande sélection de produits. Oui, vous avez bien entendu, 50% d'économie. Et tentez de gagner des milliers de cadeaux en faisant vos courses. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse 2 fois la différence. Modalités, règlements et magasins participants sur intermarché.com. Du 18 au 23 octobre. The morning show. Y'all trying to do? It's my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Gangsters, bad bitches and your ugly old friends. I cannot preach, I cannot preach. I gotta show them how I can get it in. First, take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Bon, une matinée qui se passe bien. Bienvenue, si vous venez d'arriver sur Skyrock. On a plein de choses à faire. Bon, il est 8h04. On est un petit peu à la bourre. On va faire les infos tout de suite. Juste après, on vous offre 1 500 euros. Et puis notre réveil de star avec ce matin le retour de Cyril Hanouna. Ouais. Cyril Hanouna pour le réveil de star. Vous l'avez réclamé. Il est de retour, Cyril. On arrive avec lui dans un instant. Allô, allô. Du calme, Cyril. Il est très énervé. Je sais pas ce qu'il a fait ce matin. Il a pris, je sais pas, 20 000 cafés. Mais il est excité comme c'est pas permis, Cyril Hanouna. C'est Cyril Hanouna. Je sais, oui, oui. Mais c'est ce que je viens de dire. Il va réveiller les familles. Prépare-toi, Cyril. J'espère que le contact sera bon. Ah, Cyril, il en rigole d'avance. Un invité mystère à découvrir aussi tout à l'heure à 8h20. On va vous offrir votre iPhone 7 comme tous les matins sur Skyrock. L'iPhone 7 est à gagner. Il suffira de découvrir notre invité mystère. On en reparlera tout à l'heure. On va parler d'un gros scandale ce matin en plus. Mais d'abord, vos infos, allez vite. L'actu avec Rémi tout de suite. Ouais. Désolé du petit retard, mais bon. Alors on est là jusqu'à 9h10, on a le temps. Voilà. L'actu, le sport, c'est dans un instant. Mais d'abord, la météo pour aujourd'hui. Bah, la météo, ça va être rapide, hein, puisque des nuages et de la pluie pour quasiment tout le monde aujourd'hui. Sauf dans le nord-ouest, où là, il y a quand même des éclaircies. Enfin, ça va venir, hein, de la Bretagne jusqu'au Pas-de-Calais. Et des orages possibles en fin d'après-midi autour de la Méditerranée. Les températures ce matin, toujours douces, hein, entre 7 et 15 degrés, 12 en région parisienne, de 15 à 18 dans le nord et le centre cet après-midi. Et puis, entre 19 et 22 dans les régions du sud. La pollution, et ça reste respirable. Les indices compris entre 2 et 4, 5 seulement sur Nice, Marseille et Avignon. Et le poids sur l'actu, tout de suite, c'est parti. L'actu et le sport, comme promis. Objectif, convaincre et défendre son bilan. François Hollande est attendu à Florange cet après-midi. L'accueil risque d'être glacial sur le site de l'usine ArcelorMittal et les syndicats appellent d'ailleurs à la mobilisation. C'est là que le président avait fait une partie de sa campagne auprès du monde ouvrier. Les hauts fourneaux qui fabriquent de l'acier ont pourtant été fermés il y a 3 ans. Le chef de l'État estime tout de même avoir tenu ses promesses. Il rappelle dans le Républicain Lorrain ce matin que tous les salariés ont été reclassés et que personne n'a été licencié. La salle de shoot de Paris officiellement ouverte dès aujourd'hui. Les toxicomanes qui le souhaitent peuvent s'y rendre dans le 10e arrondissement. Cela ne concerne que les majeurs bien évidemment qui s'injectent eux-mêmes les stupéfiants qu'ils apportent. Ils seront encadrés par du personnel de santé. Le retour hier de la manif pour tous dans les rues de Paris après 2 ans d'absence. Comme d'habitude, la bataille des chiffres entre autorités et organisateurs. La mobilisation a rassemblé de 24 000 à 200 000 personnes. Des élus du Front National se sont mêlés au cortège, tout comme des fémènes. La police a procédé à 13 interpellations. 200 000 personnes, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais dans le studio ce matin, on est 479. Ah oui, oui, oui. Oh, selon oui, la manif pour tous, hein, bien sûr. Hein. 479 dans le studio. Hein. Tout petit studio. Ah, ouais, quelques ouais, mètres carrés. Il y a du monde. Hein. Ah bah, ça, c'est sûr. Hein. Mais l'offensive pour reprendre Mossoul, qui a commencé cette nuit, la ville irakienne est le dernier grand bastion détenu par Daesh dans le pays. L'opération au sol est menée par l'armée irakienne avec le soutien des Kurdes. L'objectif est clair, anéantir définitivement cognitivement l'État islamique sur place. Les combats s'annoncent longs et violents avec de nombreuses pertes civiles. 1 500 000 personnes vivent toujours sur place. La douleur de Tyson Gay, le sprinteur américain, a perdu sa fille ce week-end. Trinity, âgée de 15 ans, est morte au cours d'une fusillade sur le parking d'un restaurant. Elle faisait du sprint, elle aussi comme son père. Elle était considérée dans tout le pays comme l'un des futurs espoirs de la discipline. Allez, on parle foot avec la journée de Ligue 1, la fin, et le Tour d'Europe des stades aussi. Marseille qui s'offre une victoire pour la gloire pour son dernier match sous l'ère Dreyfus. Et oui, c'est aujourd'hui que le club phocéen change de main et deviendra la propriété de l'américain Frank McCourt. Victoire 1-0 contre Metz. Dans les autres rencontres, match nul, un but partout entre Rennes-Bordeaux et Saint-Etienne-Dijon. Au classement, Nice creuse l'écart en tête avec 4 points d'avance sur Paris. Monaco est 3e devant Toulouse et Guingamp. Et puis le Tour d'Europe des stades comme tous les lundis matins dans les infos de 8h. La première ligue anglaise pour commencer avec une victoire pour Chelsea. 3 buts à rien contre Leicester. Arsenal s'impose 3-2 face à Swansea alors que Manchester City et Everton se neutralisent un but partout. Au classement, les Citizens restent tout de même en tête devant Arsenal et Tottenham. Manchester United peut remonter ce soir en cas de victoire sur la pelouse de Liverpool. En Espagne, Villarreal a collé un 5-0 au Celta Vigo. Barcelone a mangé le Deportivo La Corogne 4 buts à rien. Il y a un nombre de buts en Espagne. Ah ouais, ouais, c'est hallucinant. Puis c'est pas fini parce que le Real a largement dominé le Betis Séville 6 buts à 1. Mais l'Atlético aussi, ils ont fait un carton ce week-end. Ouais, ouais, carrément, ouais. Avec un but signé Benzema et un autre de Ronaldo. D'ailleurs, l'Atlético de Griezmann qui est toujours en tête devant le Real et Séville. Barcelone n'est que 4e. Ils ont gagné 7-1, je crois, l'Atlético. Il me semble, L'Allemagne. Ouais, en Allemagne, le Bayern de Munich qui concède le but. Il est content. Non, mais c'est vrai qu'il y a énormément de buts quand même. Bayern de Munich qui concède le nul début partout contre Francfort. Les Munichois restent en haut du classement devant la Cologne. Et puis en Italie, l'AC Milan a dominé Chievo-Vérone 3 buts à 1. Match nul 1 partout entre la Lazio et Bologne. Alors que la Juventus s'impose 2-1 face à Udinese. La vieille dame a fait la course en tête du classement devant la AS Roma et l'AC Milan. Très bien Rémi, ça fait plaisir de te voir d'aussi bonne humeur ce matin. Je suis toujours de bonne humeur. Mais oui, c'est bien. Cédric, allez. Ah bah dis donc, Cédric sera de retour ce soir dans la les radio. Les cerveaux sont là. Mais oui. Mais oui. Oh putain. Bon, eh bah, tout le monde est heureux. Allez, à 8h30 le retour. Il est 8h09 déjà sur Skyrock. Et c'est l'heure de vous offrir 1 500 € tout de suite. Salle de bain de l'appart. Difool. Sous ma douche. Romano. Et les conseils pas chers. Carriole. Libéré. Oh non. Délivré. Cédric. Ah bah non, lui il prend pas de douche. Ouais. Le morning de Difool sur Skyrock. Tu peux couper l'eau s'il te plaît? Merci. Ouais, le morning, on vous accompagne partout, même dans la salle de bain. Et je vous rappelle que ce soir, Cédric sera de retour pour la Radio Libre après un mois et demi d'absence à cause de sa clavicule cassée. Et ses 4 cuts. Et ses 4 cuts. Tout ça avec une gamelle en moto. Ouais, il est de retour ce soir entre 21h et minuit. On aura également Big Flo et Oli ce soir pour fêter le retour de Cédric. On fait venir des grandes stars, vous avez vu ça? Ouais. Ce soir, 21h minuit, à pas louper, la Radio Libre. Et là, à 8h10, allez, on y va vite parce qu'on est un petit peu à la bourre. On vous offre de l'argent avant de parler d'un grand scandale avant 8h30, avant de nous occuper des grandes stars et de l'argent que gagnent les stars dans les conseils pas chers. Ouais. Eh bien, tu vas ouvrir l'enveloppe, Romano. C'est parti. Oui. Comment gagner 1 500 € en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning show. Oui, il faut répondre Skyrock. Dès qu'on vous appelle et qu'on vous demande quelle est votre radio préférée, c'est Skyrock direct et c'est 1 500 € à gagner. Ouais. Attention. Qu'est-ce que t'as fait tomber partout par terre? Attends, j'ai tout déchiré. Ah, t'as déchiré le chèque. C'est ça comme un sagouin. Alors, nous allons à Poitiers. Ah, les pots de vin. Et on va chez Philippe Rouille. Philippe Rouille. Eh ben, faut mettre de l'anti-rouille. Faut mettre du dégrippant. Bon, Philippe Rouille, 1 500 € pour gagner, c'est simple, je vous ai expliqué. Faut répondre avant la 5e sonnerie, c'est déjà la 3e. Attention, attention. Philippe Rouille. Allez, les rouilles. Et il reste plus qu'une sonnerie, là. Ah. Oui, bonjour. Bonjour. Philippe et Corinne, indisponibles actuellement. Veuillez nous rappeler, ultérieurement. Bah, merci d'avance. On n'a pas le choix, là. Ben, ça. Bon, désolé pour les rouilles ce matin. Et ouais, on garde. Mais ils sont peut-être rouillés, ils ont eu du mal à arriver au téléphone. Ouais, c'est ça. Ah, j'arrive pas. Dans un instant, Cyril Hanouna arrive. Ça va partir en cacahuète, hein, mais je vous le dis. Hein. Ah, bah, on espère. Cyril Hanouna, réveil de star. Après les 21 Pilots sur Skyrock. Il est 8h11. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. All my enemies who wouldn't wish who I was. Oh, taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Ride. Excusez-moi, je finis mon café. Les 21 Pilots sur Skyrock avec ce gros morceau, qui nous a ambiancé l'été, la rentrée. Ride. Dans un instant, attention, gros souvenir, grand classique de Sky, Dr. Dre et Snoop pour Still D.R.E. Yeah. D.R.E. comme Dre. Et tout de suite, C-Y-R-I-L, Cyril. Cyril Hanouna. Cyril Hanouna H. Bon, ouais, c'est bon, ça va. Allez. C'est Cyril. Réveille la France. C'est le Pakistanais à l'appareil. C'est le réveil de Star sur Skyrock. C'est Cyril Hanouna. Ouais, mais je vous le dis. Non, mais il parlait en même temps. Ah, d'accord, ok. Cyril Hanouna qui vient réveiller les familles de France ce matin. Ouais. Après ses 35 heures, après le scandale de ce week-end avec Jean-Michel Maire. Scandale. Il est possible qu'on en reparle d'ailleurs avant 9h. Voici tout de suite Cyril Hanouna qui réveille les familles de France. Alors, à qui le tour ? Tout à l'heure, il a réveillé Gérard qui nous a parlé de sa femme Nelly en disant que bon, elle n'était pas si fraîche que ça. Tout ouais, ça. Elle était beaucoup moins chaude qu'avant. Ça a dû lui faire plaisir à Nelly. Et bien, on va voir ce que ça va donner chez la famille de Olivier. On a appelé Olivier, on l'a mis en contact avec Cyril Hanouna. Voici tout de suite le résultat, c'est le réveil de Star. Votre réveil de Star que vous aimez tant à 8h15. Allez. Vas-y Cyril. Allez Cyril, donne tout. Tout. Allô ? Allô ? Oui ? Comment ça va ? C'est qui ? Je suis un petit peu votre chevalier servant. Oh. C'est-à-dire ? C'est Cyril ! Cyril. C'est Cyril Hanouna ! Eh oui. Oui, bien sûr, le mec de la télévision aussi. Bah oui. J'y crois pas. Oui, et pourquoi vous vous appelez ? Pourquoi vous avez choisi de vendre des sextoys ? Pourquoi j'en ai ? Et maman, votre gueule, vous l'avez eu ? On reste correct. Et maman, ta gueule, elle va être correcte aussi ? Vous avez déjà fait l'amour avec des malades, vous ? Ça peut te faire. Olivier ! Attendez, je vais vous le passer, il est là. Ah, ouais. Parce que là, je vois pas c'est qui, là. Oui, madame Bovary. Je vois pas c'est qui, là, je vous le passe. Ouais. Allô ? C'est qui ? C'est le Pakistanais à l'appareil. C'est Cyril ? Bah oui. Un Pakistanais. Ah oui, ça je vous le dis, oui, oui. Et pourquoi tu t'appelles ? Je suis juste content. T'es content ? Ah ! Ah, il est content. Ouais. Même si tu comprends rien, tu fermes ta gueule. Ouais. Quel est ton plus grand fantasme ? Bah, des lesbiennes. Ah non, vous rêvez ou quoi ? Ouais. Je rigole pas. C'est quoi ton plus grand fantasme ? C'est de lécher les boules de motus. De motus ? Tout simplement. Bon, on va peut-être arrêter là quand même. Quoi, pourquoi ? Bah, c'est bon, là, c'est discuté. Je vais vous crêper le chignon, hein ? Ouais. Ça va partir en cacahuète, hein, mais je vous le dis, hein.

Diary sur Skyrock. Il y a que Sky qui vous passe des sons le matin au réveil comme ça. C'était bon. Still Diary, Dr. Dre et Snoop Dogg dessus. À 8h22 et à 8h22, eh bien, on va vous offrir un iPhone 7. On va jouer ensemble à l'invité mystère, un invité mystère à découvrir. Notez bien les numéros. Je dis ça pour les nouveaux qui nous rejoignent tous les matins. Vous allez sur le 41759 avec votre portable. Ou alors, avec votre portable, votre smartphone. Vous allez sur l'appli Skyrock. Téléchargez l'appli. Vous nous envoyez vos messages. C'est gratuit, c'est pas cher. Ouais. Ah bah oui, et attention concernant l'appli, grande nouvelle aujourd'hui. Hein. Attention, événement sur l'appli Skyrock. Bien dit, Romano. Très bien dit, je suis au courant des informations confidentielles. Et écoutez bien Skyrock tout au long de la journée, on ne sait jamais. Eh ben, c'est cet après-midi, il faudra écouter Karim. Ouais, écoutez bien Sky toute la journée. Toute la journée, écoute. D'accord. Et ce soir, et ce soir tu me diras. Vas-y, ça roule. À 21h, n'oubliez pas, Cédric est de retour dans la Radio Libre ce soir. Ah ouais. Et oui, il est content d'être là avec nous, hein. Nous aussi, grave. Bon, retour de Cédric ce soir, Big Flo et Oli ce soir. Et plein de surprises. Mais tout de suite, un autre invité mystère. Voici l'invité mystère à découvrir pour l'iPhone 7 sur Sky. L'invité mystère. What? Eh bien, il faut nous dire qui est l'invité mystère. Vous envoyez mes messages dès que j'ai passé le son. On prend pas les messages avant parce que je vois qu'il y en a qui essayent. C'est Paul Pogba, l'invité mystère. Non. C'est Cyril Hanouna. Non, on a fait Cyril Hanouna il y a un instant. Mais bon, t'es pas loin, tu vas voir. Voici notre invité mystère ce matin qui regarde Cariole avec des yeux bizarres. On dirait un pervers. Pas mal, hein. Jeune, mais pas mal. Oh, Cariole, tu as un coup. Tu aimes les daddies. Non. Ça pourrait être ton sugar daddy. C'est ton sugar daddy. Il y a peut-être une question à poser, peut-être. Écoutez bien sa voix et envoyez vos messages dès que vous l'avez reconnu. La France attend cette réponse avec impatience. Je voudrais savoir combien de centimètres fait votre sexe en érection. Ah non, mais je ne répondrai pas, monsieur. Beaucoup. Monsieur le pervers. Non, mais ça va pas, lui. Il est très porté sur lui, le. Il est chaud, lui. Ah oui, il est chaud. Lui, bon. C'est un vieux cochon, lui. Alors, un indice. Qui c'est notre invité mystère? Vous avez l'indice de Romano, c'est un vieux cochon. Ah, vieux cochon, ouais. Et donc, vous laissez vos réponses au 41759 et sur l'appli Skyrock. Si vous avez reconnu sa voix, vous envoyez vite vos messages et on vous offre l'iPhone 7. Et dans un instant, nous allons parler d'un des scandales du week-end. Vous saurez tout sur Skyrock. Et si on m'installait la fibre chez moi de A à Z? Moi, quand je suis passé à la fibre d'Orange, un technicien est venu chez moi tout installer. Ah bah moi, il a connecté la Livebox, le décodeur et il a paramétré mon ordinateur. Ah, pour moi, il a fait comme pour vous, mais en mieux. Bah ouais, c'était gratuit. Bah nous aussi, hein. Bah qu'est-ce qu'il croit? Avec Orange, un technicien vous installe la fibre 100% fibre et vous accompagne dans la prise en main de vos équipements. Toujours un temps d'avance pour vendre service, vous rapprocher de l'essentiel. Orange, offre soumise à conditions en France métropolitaine sous réserve d'éligibilité. Détails sur service.orange.fr. Bah pourquoi tu cries? Tu viens d'apprendre que maman venait ce week-end. Mais non, je suis énervé là. Je viens de me raser avec un bic 3 lames, ça rase super bien. Bah alors pourquoi tu t'énerves? Et bah parce que j'ai payé le prix fort pour mes rasoirs pendant des années, alors que le bic 3 lames rase très bien, tout en douceur. Et pour pas cher! Les rasoirs Bic 3 lames, être bien rasé? Oui! Se faire tondre? Non! En ce moment, retrouvez Bic 3 et Bic Flex 3 Confort en promotion dans votre magasin. Monsieur Richard. Tom Cruise est... Jack Richard. Ses règles. Je suis pas la loi. Son style. Restez zen. C'est plus gros que je l'imaginais. Privilégiez la discrétion. J'aime pas qu'on me suive. Toujours un temps d'avance. C'est un coup monté. Jack Richard, never go back. Tom Cruise, mercredi au cinéma. Là, c'est l'heure de la chasse. Breakdown! Showroomprivé.com présente une robe à petit col comme portent les people, un joli sac à main comme portent les mannequins, une jupe vraiment in comme dans les magazines, des escarpins classiques comme dans les quartiers chics. Au bureau, elle cartonne avec showroomprivé.com. Les grandes marques jusqu'à moins 70%, c'est tout le temps, donc c'est maintenant sur showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Leclerc. Plus que quelques jours pour profiter des super pouvoirs d'achat Leclerc. 50% de tickets Leclerc sur le café Senseo en dosette. Ah ça, il adore. Les dosettes et aussi le ticket Leclerc. Du 18 au 29 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le paquet de 48 dosettes plus 6 gratuites de café Senseo variété au choix est à 4,75€, soit 11,39€ le kilo, avec en plus 50% ticket Leclerc. 20 modalités dans les magasins participants. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Quand on aime, on ne compte pas. Mais avec Miniservice, quand on aime, on compte. On compte sur le savoir-faire des experts, on compte sur la qualité des pièces et grâce à des prix bas, on compte les économies réalisées. Et ça... Ça compte, non ? Ceux qui aiment leur Mini, choisissent Mini Service. Jusqu'au 25 novembre 2016, pour l'entretien et la révision, bénéficiez d'un tarif préférentiel sur une sélection de prestations d'entretien. Valable auprès de nos concessionnaires et réparateurs agréés Mini participant à l'opération. Liste disponible sur Mini.fr. Mini. L'heure approche pour les Suisses du FC Bâle d'en découdre avec le Paris Saint-Germain. Le 19 octobre à 20h45 précise, retrouvez l'UEFA Champions League avec le choc PSG-FC Bâle en direct et en exclusivité sur Canal+. Appelez vite le 3910, service payant 25 centimes la minute plus prix de l'appel. Carrefour. Ah bah ça y est, Franck, c'est enfin décidé à ranger la cave. Mais comment t'as fait pour le convaincre? Oh, facile. Je lui ai dit que dès demain et jusqu'au 22 octobre, chez Carrefour, on a 5 euros en bon d'achat par tranche de 15 euros d'achat sur tous les vins. Eh, hey, comme quoi quand il veut? Oui, il suffisait de trouver les bons arguments. Dès demain et jusqu'au 22 octobre dans vos hypermarchés Carrefour, profitez de 5 euros en bon d'achat par tranche de 15 euros d'achat sur tous les vins. Limité à 5 bons d'achat hors champagne et vin pétillant. Bon d'achat valable du 24 au 30 octobre, voire modalité sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. C-E-A. Elle est fine et élégante. 90% UV, 10% plume et 100% tendance. Elle est idéale pour toute la famille et leur en fait voir de toutes les couleurs. Elle, c'est la doudoune C-E-A. Poids plume et prix léger. Elle est à 29 euros seulement dans tous les magasins C-E-A et sur C-E-A.com. C-E-A. Intersport. Paul, regarde tout ce que je me suis offert. Une paire de chaussures de running, un sweat, un survêtement, trois t-shirts, quatre paires de chaussettes, deux brassières et un blouson pour toi. Waouh, comment tu fais ça? C'est l'effet carte Intersport. Vous allez adorer la fête de la carte chez Intersport. Du 17 au 29 octobre, profitez de 25% de réduction sur tous les articles textiles et chaussures. Oui, moins 25% grâce à votre carte Intersport. Intersport, le sport commence ici! Voir conditions en magasin. Liste des magasins participants sur intersport.fr. 8h28 sur Skyrock, c'est l'heure de retrouver notre invité mystère ce matin. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Au centre d'un scandale ce week-end, et oui, notre invité mystère est là, et Morgane est là aussi avec nous en direct de Tourcoing. Salut Morgane. Salut Morgane. Salut. Tu as 24 ans, t'es donc dans le nord à Tourcoing. Tu as trouvé le nom de celui qui faisait un petit compliment à Carriole tout à l'heure. Pas mal, hein. Jeune, mais pas mal. A priori, ça ne le dérange pas. Ah non, mais de toute façon. Jeune, vieille. Attendez, les lèches qu'il a, de toute façon, elles sont souvent plus jeunes, oui. Oui, ça c'est sûr. Alors, qui est notre invité mystère ce matin, Morgane? Jean-Michel Maire. Jean-Michel Maire, ne touche pas à mon poste. Et ouais. C'est ça. Au centre d'un scandale. Alors, c'est pas Morandini, hein. Lui, c'est des. Il a sa dose. Non, non, c'était Jean-Michel Maire, ne touche pas à mon poste. Eh oui. Celui qui drague toutes les meufs, qui ne pense qu'à une chose, c'est à baiser. Ah, mais c'est un show, lui, c'est à part 12 heures. Ouais, et bien, il est au centre d'un grand scandale ce week-end, puisque dans les 35 heures de Cyril Hanouna, Jean-Michel Maire a embrassé le sein d'une dame qui avait dit non avant. Et alors là, depuis, ça se déchaîne sur les réseaux sociaux. Tiens, on vous fait écouter. Tout ce qui s'est passé, c'était dans la nuit, aux alentours d'une heure et demie, deux heures du matin. Ouais, c'était jeudi soir. Ouais. Jeudi soir, dans la nuit de jeudi à vendredi. Écoutez, le son qui fait scandale, le CSA est mobilisé, la ministre des droits de la femme est mobilisée. C'est à foutre. La France entière se mobilise. Oui, elle pourrait, je sais pas. Il y a d'autres trucs, non, mais il y a des trucs sans doute plus importants. Oui, même ici, ce qui se fait, ça se fait pas en général. C'est bien dit. Et écoutez bien, ce qui est marrant, parce qu'au début, c'est Cyril Hanouna qui engraine un peu quand même. Ouais. Ah bah, ça vous dirait d'embrasser Jean-Michel Maire? Bah oui, évidemment. Elle a dit oui. J'ai dit non. Ah, ah. Quoi? Ah. Vraiment? Pourquoi? Elle a dit quoi? Elle a dit non. Elle a dit... Pour quel motif, s'il vous plaît? Il y a une personne qui me regarde et... Il y a quelqu'un qui vous regarde? Ah. Oui. Bah on peut faire ça en coulisses. Hein. Ouais. Ah bah lui, ouais. L'autre, il est chaud. En coulisses, mais il a pas pu se retenir. Un petit smack, juste un smack. Et hop. Un smack. Oh. Oh, oh. Et là, un smack sur le sein. Ouais, en fait, il lui fait la bise et la dernière bise, il l'a fait sur le haut du sein. Et c'est vrai que elle, tu l'embrasses dans le cou, elle a tellement gros sein que t'es obligé d'embrasser le sein. Ah non, mais c'est ce que je disais, on en avait parlé quand vendredi soir. Limite, elle a tellement gros sein, tu l'embrasses sur le front, tu touches le sein aussi. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est que la meuf a tellement des gros seins, à côté, t'as l'impression que Nabila, elle est plate. C'est vrai. Oh, c'est ça le scandale. Des obus, mais Comment vous auriez réagi, les filles? Dites-nous si vous étiez à la place de la dame, là, avec les gros seins. Jean-Michel Maire vous embrasse le haut du sein. Comment vous réagissez? J'aimerais avoir vos réactions au 41759. Ah, bah alors, moi, j'enlève mon soutien-gorge. Carriole, t'enlèves ton soutien-gorge. C'est bien noté. Ah, je retourne une gifle. Toi, c'est une baffe directe. Oui, direct. Qu'est-ce que vous faites, les filles? Dites-nous. Et Morgane, je peux te l'annoncer maintenant, officiellement et en direct sur Skyrock. Tu as gagné ton iPhone 7. Bravo. Merci l'équipe. Eh ben, de rien, Morgane. Ça nous permet de saluer tout le Nord qui se réveille à fond la caisse. Ah, salut les nordistes, ah. Sur Skyrock, le premier morning du Nord. C'est le nôtre, c'est Skyrock. Ah, merci, hein. Bien joué, Morgane. On te fait un gros bisou. Merci à vous, l'équipe. Et puis, nous, on te fait un bisou sur le téton. Voilà. On va avoir, un problème avec le CSA. Oui, alors, scandale, Skyrock. Ça embrasse sur les tétons. Ils embrassent leurs auditeurs sur les tétons. Et pourquoi pas nous, hein. Bon, bravo, Morgane. L'iPhone 7, merci. Il est pour toi. On te souhaite une bonne journée. Tu vas bosser? Tu fais quoi ce matin? Ouais, je vais bosser, là. D'accord, tu travailles dans quoi? Dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Eh ben, bon courage. Construis bien. Merci. Bon courage à toi. Bon courage et, à vous aussi. Et puis, une salutation à tout le Nord. Et on va voir ce que vous en pensez, les filles. Qu'est-ce que vous faites si Jean-Michel Maire vous embrasse sur le sein? Hein? Alors que vous avez dit non. Ça se fait pas, attention. Hein. La réponse, vos réponses. Dans un instant, Skyrock vous donne la parole. Et dans un instant, il est excité. Il est content. Puisque tu vas nous parler d'énormément d'argent. Ouais, c'est ça. On va savoir, on va connaître quel est l'artiste qui a gagné le plus d'argent cette année. Mais c'est hallucinant. Dans le monde, c'est hallucinant. Il aimerait être à sa place. Ah, c'est beaucoup plus gros qu'un Euromillion qui est déjà très gros. Réfléchis un peu avant d'être à sa place, Romano. On en reparle dans un instant, vous comprendrez pourquoi oui, je dis ça. C'est hein. Vrai. Oui, il faut quand même réfléchir. C'est vrai, oui. Bon, on en reparle tout de suite. Les conseils pas chers arrivent avant 9h. Ah bah tiens, on aura la compile du morning. Compile du morning avec ce matin les amendes à la con. Si vous avez chopé une amende ce matin, sachez que vous n'êtes pas tout seul. On en reparlera dans la compile. Les amendes à la con et votre horoscope aussi. Tout ça avant 9h du mat. Et puis du son pour se réveiller. Alonso arrive après les infos de Rémi. Il est 8h33. C'est parti pour l'actu, et le sport, mais d'abord la météo. Eh ben la météo avec un ciel maussade et même pluvieux en ce début de semaine. Seul le nord-ouest est épargné avec des éclaircies de la Bretagne jusqu'au Pas-de-Calais. Si c'est pas encore là, ça va arriver après, pas d'inquiétude. Des orages possibles aussi en fin d'après-midi autour de la Grande Bleue, la Méditerranée. Les températures ce matin comprises entre 7 et 15 degrés, 12 en région parisienne, de 15 à 18 dans le nord et le centre pour cet après-midi, entre 19 et 22 dans les régions du sud. Et puis la pollution, ça reste respirable aujourd'hui, ça c'est une bonne nouvelle. Les indices compris entre 2 et 4. Ça monte à 5 seulement sur Nice, Marseille et Avignon. Et l'actu et le sport comme promis, c'est parti. Et toujours beaucoup de questions à Angers après l'effondrement d'un balcon. Dramatique accident qui a coûté la vie à 4 personnes et en a blessé 14 autres. C'était samedi soir. La chute du balcon a entraîné la destruction des deux autres qui se trouvaient juste en dessous. Des experts en construction ont été mandatés par la justice. La construction plutôt moderne puisqu'elle date des années 2000. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Une cinquantaine de cellules inutilisables à la prison d'Eton en Savoie. Conséquence d'une mutinerie qui a éclaté hier en fin d'après-midi. Des détenus ont mis le feu à des matelas. L'incendie s'est vite propagé. Personne n'a été blessé. Le calme est revenu dans la soirée. Le mondial de l'automobile qui a fermé son rideau hier soir, porte de Versailles à Paris. Moins de monde que la précédente édition. Le nombre d'entrées a baissé de 14%. Plus d'un million de visiteurs se sont quand même rendus sur place. Ce qui en fait encore le salon de l'auto le plus fréquenté au monde. Des sondages vraiment confiants pour Hillary Clinton. Il semble que la candidate démocrate sera dans l'histoire la première femme à investir la Maison Blanche. Une étude très sérieuse démontre qu'elle a 95% de chances de l'emporter face à Donald Trump. Elle aurait au soir du 8 novembre une grande majorité des votes des grands électeurs. La réponse donc dans tout juste 3 semaines. Un petit rappel, si vous êtes proprio, c'est le dernier jour pour payer la taxe foncière. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour la version papier ou alors jusqu'à samedi si vous payez via internet. Bon, on va passer au foot maintenant avec la fin de la 9e journée de Ligue 1. C'était hier, du rugby aussi et le championnat du monde des rallyes. Ouais, et avec Marseille qui s'offre une victoire pour son dernier match sous l'ère Dreyfus. Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est aujourd'hui que le club phocéen change de main. Le nouveau patron va s'appeler dans quelques minutes Frank McCourt. Victoire 1-0 contre Metz grâce à un but signé Baffetimbi Gomis. Match nul, un but partout entre Rennes, Bordeaux et Saint-Etienne-Dijon. Au classement, Nice creuse l'écart en tête avec 4 points d'avance tout de même sur Paris. Monaco est 3e devant Toulouse et Guingamp. Du rugby avec la première journée de la Coupe d'Europe. Match reporté entre le Racing 92 et Munster en raison de la mort d'un des entraîneurs irlandais qui a fait une crise cardiaque foudroyante. Bordeaux-Bègle s'est imposé 28-13 contre Ulster et victoire également de Clermont et de 4 pour Sébastien Ogier. Le pilote français a été sacré hier champion du monde WRC pour la 4e fois de suite. Victoire remportée hier sur le rallye de Catalogne. Il suit donc les traces d'un autre français, Sébastien Loeb, qui avait soulevé 9 titres mondiaux. Bravo. Merci Rémi pour les infos. On te retrouve s'il se passe quelque chose. Tu es là dans le morning tous les matins entre 6h et 9h avec nous. Il est 8h36 sur Sky. 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. On rigolait parce qu'on est en train de regarder les messages que vous nous laissez là, les messages que vous nous laissez sur qu'est-ce que vous feriez les filles si Jean-Michel Maire vous embrassait les seins alors que vous lui avez dit non. Le haut des seins, attention. Oui. La biche. Ah, Putain, ça m'a fait flipper. Moi aussi, on a entendu un bruit. Je sais pas si vous l'avez entendu, vous aussi. Là, ce qui s'est passé. On a entendu Je reprends la biche. Coup de poing, claque dans la gueule à Jean-Michel. Voilà, merci la biche. Une claque aussi, mais pas de coup de poing pour Amandine, 37 ans. Salut Amandine. Il y a Sam, je lui attrape autre chose. Ah, les coucouillettes. Je lui mets une gifle directe. Message de héros, 24 ans. Salut, il y a Plat Mamba, il aurait pris une tarte. Ouais. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Coup de pied dans les couilles. Ah ouais, direct, toi. C'est Nacera qui nous laisse un message. Lila Roche, il faut une tarte, dans sa gueule. Il y a Gros Nichon qui vient nous envoyer un message, elle a 20 ans. Moi, je l'éclate directement. Je lui serre le paquet. Ça, c'est le message de Cécile de Lille. Il devrait être absent à des cours d'anatomie à l'école. Oui. Ah, il découvre un peu avec du retard. Ouais, ça, c'est sûr. Il fait penser à Donald Trump. Ah ouais, Donald Trump qui est dans plein de scandales lui aussi. Oui, c'est vrai, ouais. Bon, voilà, merci pour les messages que vous nous avez laissés là. Après le scandale Jean-Michel Maire, t'en touches pas mon poste. On va parler d'énormément d'argent dans les conseils pas chers. Quel est l'artiste? Des fortunes. Qui a gagné le plus d'argent cette année. Ouais, c'est ça, ouais. Énormément d'argent. Vous découvrez tout ça avec nous juste après le son de Alonso et puis juste après vos 1 500 €. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. 1 500 € dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Et c'est déjà tombé, ouais, déjà ce matin, chez Laetitia qui a gagné à Agen. Elle a gagné 1 500 €, bravo Laetitia. Et juste rapport à Jean-Michel Maire et la meuf là. Ouais. La meuf, elle a fait une déclaration en disant que Jean-Michel Maire était quelqu'un d'extrêmement respectueux. C'est clair. Voilà. Bon. En fait, c'est bien, tu prends un billet, tu fais dire n'importe quoi aux gens. Oui, c'est vrai. Romano, je vais tripoter les coucouilles. Ouais. Et puis je te donnerai 5 €, hein. Ah, je dirais que c'était magnifique. Peut-être tu diras, oh vraiment, on se dit fou. J'ai même eu de la chance qu'il me le fasse. Ah oui. Bon, allez, on file chez qui? On file chez quelqu'un qui habite dans le 31 ce matin. Vous êtes dans le 31. Vous êtes à Cesse. Eh bien, on va peut-être vous offrir 1 500 € en direct. On appelle les Vignaux et Marie Vignaux. C'est parti. Bonne chance aux Vignaux. 1 500 € à gagner. Attention. On attend. 5 sonneries maximum. Allô? Allô, oui? Oui, bonjour Madame Vignaux. Oui. Bonjour Madame Vignaux, c'est la radio au téléphone. Oui. On est en direct, on vous a tiré au sort, c'est pour vous offrir des sous, Madame Vignaux, ce matin. Mais c'est formidable, mais j'étais pas du tout en train d'écouter la radio. Oh bah dis donc, Marie, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je suis désolée, j'étais en train de faire autre chose. Et t'imagines, si tout le monde était comme toi, on se réveillerait pour rien, Marie. Mais ouais. C'est ça, je suis vraiment désolée. Bah désolée aussi, hein. T'écoutes, c'est quoi ta radio préférée? Je sais pas. Ah, t'en as pas? Eh bien, viens si, écouter. Si, France Info, en fait. France Info. Ou ouais, au bout d'un moment, ça fout le. Tu vois, ça. Le moral à zéro. Le moral à zéro, France Info. C'est hein. Ça, oui. Je suis vraiment désolée, mais ponctuellement, ça permet de se tenir au c'est vrai. Courant c'est vrai, des c'est vrai, du c'est monde. Vrai, c'est vrai. Mais on a des infos, nous aussi, avec un super journaliste qui vient de France Info, France Inter, CNN. D'accord. Il s'appelle Rémi. Et vous êtes qui, vous, en fait? Nous, on est Skyrock, nous. Ah, mais il aurait fallu que mes deux ados soient à la maison, mais mes deux ados, elles sont parties, une au lycée, l'autre au collège. Ah, merde. Tu leur feras une bise, tiens, on va leur offrir un t-shirt si elles écoutent Sky. un t-shirt Skyrock, nous on t'appelait pour t'offrir 1 500 €. Tu sauras pour la prochaine fois. C'est vraiment dommage, faut pas me le dire parce que ça va me déprimer pour toute la journée. Merde, je suis désolé. Alors attends, si tu écoutes France Info, que je te fais déprimer en plus après, on est mal barré. Mais voilà, non, je vais passer une journée terrible en fait. Hein. Bon, et pense aux deux super t-shirts Skyrock Collector qu'elles vont recevoir, tes chéries. C'est gentil, merci beaucoup. Bon, quitte pas Marie, on te fait un gros bisou et puis bah la prochaine fois tu réponds. Oui, c'est promis. Tu as le droit de dire, j'écoute France Info 10 minutes parce qu'après c'est bon, hein, t'as toutes les infos. Et après je passe sur Skyrock, mais souvent je vais encore vous déprimer encore plus. Souvent après France Info, je passe sur Radio Classique. Bon, d'accord. Voilà, histoire de se terminer. Désolé, c'est hein, pas mais grave, Marie. Avant j'écoutais Skyrock, ouais. Mais il y a longtemps. Eh ben reviens vite, Marie, tu vas voir, c'est toujours aussi super. Je vais essayer super. De faire un effort. Bon, on te fait une bise, Marie, en tout cas, raccroche pas. Merci beaucoup, bonne salut journée. Marie, bonne journée salut. À toi. Ah, sympa la Toulousaine. On oui, est à côté sympa. De Toulouse, hein, là, c'est ça hein. Tu habites à côté de Toulouse, Marie? Oui, c'est ça, oui, juste à côté de Toulouse. Eh ben, on embrasse tout Toulouse. Gros merci bisous, Marie. Beaucoup. Salut à toi. Salut. Au revoir. Et vous répondez Skyrock. Et oui, alors si dans la famille, tout le monde n'écoute pas Skyrock, déjà, forcez-les. Ouais. Et puis mettez un petit post-it sur le téléphone. Répondre Skyrock, gagner 1 500 €. Skyrock, cher. Ouais, bien cher. Bon, pas cher dans un instant. Vos conseils pas chers et les artistes qui gagnent le plus d'argent, qui ont gagné le plus d'argent cette année. Ouais. Vous saurez tout, il est 8h41. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Binda dans sa vie, Elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, sous bout. On a elle fait la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les hommes sous son blabla. Elle provoque des balles, car elle est dans le cœur de tous mes scala. De Marseille à Panama, on lui veut la part des hommes comme ça, dame. Soleil de minuit, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta. De partout elle fait des avances, elle n'a pas que sa langue dans sa bouche. J'ai bien capté ses manigances, elle ne m'emmènera pas dans sa douche. Et quand tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Sur Skyrock, c'était Alonso, une découverte Sky à 8h44 et on va parler d'argent, beaucoup d'argent maintenant. C'est notre rendez-vous économique sur Skyrock et le rendez-vous économique aujourd'hui avec les artistes qui ont gagné le plus d'argent l'année dernière. Alors j'ai dit Romano que tu aimerais bien être à sa place. Bon, comment faire? À sa place, ça dépend. Pour la thune, oui. Oui. Pour autre chose, moins. Oui, parce que celui qui a gagné le plus d'argent l'année dernière... Mais c'est hallucinant. Combien il a gagné? 825 millions de dollars. Putain, il a grave de la chance, hein. Oui, bah, il a grave de la chance, mais il est mort, donc. Eh oui. Michael! 825 millions de dollars. Michael Jackson est l'artiste qui a gagné le plus d'argent l'année dernière. Michael Jackson. Oh, Thriller. Hallucinant, il faut être mort pour se faire un maximum de thunes, c'est con, hein. C'est vrai, hein. Ouais, parce qu'en fait, Sony a racheté le catalogue, c'est-à-dire tous les titres de Michael Jackson, déjà pour 750 millions d'euros. Ah ouais, ah oui, ça aide. Ah oui, c'est pas mal. Et quel est... c'est Taylor Swift, je crois, qui a gagné le plus d'argent en vivant. En vivant, oui. C'est qui? Taylor Swift. C'est elle, c'est sûr. Bon, elle a gagné beaucoup. Bon, c'est ça va, hein. 170 millions de dollars. Ah ouais, À côté des 825 millions, c'est rien, hein. Et juste derrière, c'est Adele, 80,5 millions. Ouais, après, il y a qui? Madonna, 76,5 millions. Ouais. Et ensuite, Rihanna, 75 millions. Autrement dit, Rihanna gagne beaucoup, beaucoup moins que Michael Jackson. Mais elle, au moins, elle est vivante et ça, ça fait plaisir. Ah ouais, c'est clair, ouais. Eh bien, ce matin, nous allons appeler des fans de Michael Jackson. J'ai un autographe à leur revendre et peut-être même l'arrivée exclusive de Michael Jackson pour parler avec les familles. Dans le morning, Michael Jackson. Faut préparer les effets spéciaux parce que bah, ça va donner. Hein. Alors attention, Michael Jackson arrive et de retour dans le morning. Comme quoi ceux qui disent c'est un complot, il est pas mort, tout ça, ils l'ont vu, tout ça bidule. Eh bien, ils ont peut-être pas tort. Ah, mais c'est lui, Michael. Youhou. Mais tu nous appelles d'où? De mon cercueil. C'est pour ça que ça résonne comme ça, alors. J'ai un grand cercueil car je suis bien riche. Ah bah oui, t'es bien riche, je suis 125 millions. Oui. Ah, conseil pas cher, Michael Jackson. Rihanna gagne 200 000 euros par jour. Waouh. Romano fera-t-il plus fort ce matin? C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Ouais, on n'a pas calculé combien il gagnait par jour, Michael Jackson, mais par an, c'est 825 millions et c'est cher. Alors, Difool, tu vas être celui qui va parler en premier. Oui. Donc, t'essayes de refourguer l'autocollant et à un moment donné, tu glisses. L'autographe et tu glisses que Michael est dans le coin. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour Roger. Oui. Oui, excusez-moi, je vous appelle, je suis l'agent français de Michael Jackson. Oui. Vous connaissez Michael Jackson? Oui. Hi-ha, vous savez. Eh bien, j'ai ce matin pour vous, en exclu, parce que je sais que vous êtes fan de Michael Jackson, l'autographe de Michael. Que je peux venir vous amener à la maison ce matin, comme ça vous pourrez le montrer à vos enfants, je sais pas si vous avez des petits enfants, tout ça, vous pourrez leur dire, regardez, j'ai l'autographe de Michael Jackson. Ça vous branche, okay. Roger? Non, du tout. Alors, faites-moi un petit moonwalk ce matin. Hi-ha. Pardon? Ah, Moonwalk, faites-moi la danse de Michael Jackson. C'est vrai quand il marche en arrière. Elle est bête. Oh, bravo, bravo Roger. Bravo. Ah, chapeau Roger. Il nous fait des moonwalks en pantoufles. Alors, j'ai en plus, là, j'ai une petite exclue pour vous. J'ai Michael Jackson au téléphone avec nous qui nous appelle de son cercueil. Michael. Ah, bah. C'est gentil. Oui, je vous le passe. Je vais vous le passer. Passez-le moi alors. Est-ce que vous pourriez ouvrir la boîte? Oui, alors on ouvre la boîte du cercueil. Voilà. Yeah. Oh bah dites-moi, il y a de l'ambiance là chez ah vous. Ah bah attendez, on est dans on est au cimetière. On est au cimetière, ouais, on fait notre teuf d'enfer avec Michael Jackson, je fais du moonwalk. Je m'éclate. Oui, il fait du moonwalk moi aussi. Comment qu'il s'appelle? C'est monsieur Roger. Bonjour Roger. Roger. Oui, je vous écoute. Dites bonjour à Michael. Ah oui, mais moi je parle pas l'américain moi. Ah mais Michael parle français. Je parle un petit peu français, Roger. Oui. Hi-ha, comment vas-tu? Oh, j'entends rien alors. Comment vas-tu? Oh. Comment vas-tu? Il te demande, Michael, comment ça va? Il est ému. Ben là, c'est pour Michael. Et si je suis Michael Jackson, who's man? Ha! Pitty, Michael, il sait pas parler français, c'est quoi ça? Eh bien, si, il a appris dans son cercueil. Il a du temps à perdre, il a que ça à foutre. Il est enfermé toute la journée dans un cercueil. J'ai appris le Becherel. Le Becherel, il a appris. N'importe quoi. Bon, Roger? Maintenant, passe à la main. Dis donc, il a une belle voix, hein, Michael. Ah, bah, c'est pas n'importe qui, tu sais. Ouais, hein, Michael. Il faudrait. Il faudrait me donner un petit peu d'argent. Il n'y a pas de souci. 200 euros. Oh, c'est pas cher. 200 euros, c'est vraiment pas cher. Hey, mon ami, mon agent français va venir les chercher. Je viens chercher l'argent. Il n'y a pas de souci. Bon, attendant. Quand il veut. Est-ce que tu as des petits-enfants? Ah non. Ah, merde. Ah dommage. Dommage. Tu as des enfants, Roger? Oui, bien sûr. Ils ont quel âge? Ils ont 8 ans. Oh, oh très bien. Je pourrais le toucher la quéquette. Oh Michael. Michael. Bon, sur ce Roger, je m'en vais, je referme ma boîte. C'est dommage. Dommage, mais il peut être de retour quand tu veux pour 200 balles, il vient tous les matins. Il peut venir te parler à n'importe quel moment. Grosse bise, Roger. Il est ému. Il est ému, Roger. Il est ému. Merci, Roger. Il vient tout à l'heure, hein. Oui, oui. Ok. Tu vois le corbillard arriver là-dedans. Salut, Roger. Salut, Roger. Il était sympa, ce Roger. 200 balles. Mais on a bien assuré, Romano. Je suis content. Ah ouais, c'est du bon travail, ça. Oui, oui, oui, ça fait plaisir. Alors, il gagne 2 millions par jour. Ça va. 2 180 000. Oui, il gagne. Bon, c'est plutôt sa famille qui gagne. C'est Sam qui. Tu es bon en maths, Sam? Ouais, bah avec l'ordinateur, oui. Ah ouais, c'est bon. ça devrait être bon alors, sauf s'il y a eu un bug. C'est pour ça que je posais la question. Dans un instant sur Skyrock, on va parler. Ah, sur la route. On va aller faire un tour sur la route. Et nous allons parler ce matin sur Skyrock dans la compil. Ah, du les amendes à la con, c'est ça? Ouais, les mecs qui se sont fait flasher, les amendes à la con, ouais. Ouais. Les amendes à la con découvrent tout ça. J'espère que vous en avez pas eu ce matin. Bon courage à vous si vous êtes sur la route. On en reparle tout de suite. Les amendes à la con, bon courage à ceux qui sont dans les bouchons, on va vous aider à passer le temps ce matin avec du bon son. C'est DJ Snake et Justin Bieber qui arrivent et votre horoscope dans une minute. Leclerc. À partir du 18 octobre, venez vous inscrire au grand tirage au sort du super jeu Leclerc, avec à gagner un an de course et toujours 5, 10 ou 20 euros en bon d'achat et 50 euros en e-carte cadeau Leclerc à chaque passage en caisse. Ah bah dis donc. Et oui, c'est ça le super jeu des super pouvoirs d'achat, Leclerc. Du 18 au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants. Pour gagner, il faut jouer. Et oui. Bon, t'es prête? On y va? Attends chérie, je regarde juste un truc sur mon téléphone. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Je vous confirme que vous êtes bien assuré chez nous. Nous nous sommes occupés de toutes les formalités auprès de votre assureur précédent. Ah, parfait. En plus, vous venez d'économiser 270 euros. C'est mon appli banque qui va être contente. Je ne vous le fais pas dire. En souscrivant chez Direct Assurance, nos nouveaux clients économisent en moyenne 270 euros pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Alors, rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Conditions sur le site. Allez, l'horoscope de l'amour avant Justin Bieber et DJ Snake sur Skyrock, les 12 signes. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Ah bah tiens, on parlait d'amende, merci à BRGS80, 21 ans, qui a eu 135 euros d'amende ce matin pour l'ampoule du feu. Ah ouais, pas de chance. De la plaque arrière, ils t'ont fait chier pour ça. Oh là là. Parce que t'as le feu qui allume pas la plaque arrière. 135 balles, ça c'est bien cher. Et ça coûte 3 euros en magasin, il nous dit. Oh putain, merde. Dans un instant, notre compil du morning. Là t'es... Ah ouais, on peut le dire, t'es tombé sur un con. Oui, ça arrive, hein. On peut tomber sur des gros cons. Le mec était pas de bonne humeur ce matin. Bon, on s'occupe donc de la compil du jour, du morning. Ils se sont fait flasher, mais d'abord votre horoscope, l'horoscope de l'amour, avec pour démarrer les lions et les capricornes. Puissance amoureuse à 0 sur 5. Ah. Pourquoi? Célibataire, il faut s'abstenir de draguer quelqu'un qui est déjà en couple, sinon ça peut partir en couille, faites attention. Et si vous êtes en couple, justement, évitez de mater les autres devant votre partenaire, ça risque de l'énerver. 1 sur 5, les poissons et les cancers. Attention, mauvaise langue aujourd'hui, restez discret sur votre vie sentimentale, sinon après ça parle mal. 2 sur 5, les taureaux et les gémeaux. Atterrissez-vous aux autres, ouvrez la conversation. C'est en communiquant qu'on se comprend, et c'est en communiquant que vous aurez le plus de succès avec la personne qui vous aime, ou avec celle ou ceux que vous voulez séduire. Voilà. J'ai du mal à finir ma phrase. Oui, c'est bon. Ça va. On passe à 3. 3 sur 5. Verseau, scorpion. Vous saurez mettre intelligemment vos qualités en avant aujourd'hui, les Verseaux et les scorpions. 4. Sagittaire et vierge. Vous serez en harmonie totale avec tout votre entourage aujourd'hui, les amis, les amours, la famille. Tout va bien. Profitez. Et 5 sur 5. Les béliers et les balances. Vos désirs seront comblés aujourd'hui. Ça va bouger dans votre ciel sentimental et ça va bouger en très bien. Bravo les béliers. Bravo les balances. C'est dans un instant. Direction sur la route après DJ Snake et Justin Bieber sur Skyrock. Gros son. Montez le son. On va voir. C'est super ça. Let me love you. Let me love you. Let me love you. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Take gold through the darkest of days. Having to heartbreak away. Let me love you. Let won't give up. Nah, nah, nah. Let me love you. DJ Snake, Let Me Love You, et la roulette qui va tourner sur Skyrock. On vous l'annonçait, on a déjà fait gagner des places tout le week-end. Et on vous l'annonçait ce matin dès 6h. La roulette Nekfeu, c'est parti. La tournée, les tournées Skyrock de Nekfeu et de Escrew, c'est à gagner sur Sky. Après les 200 places pour Maître Gims, les 200 places pour Soprano, les 200 places pour Joule, tous en concert et en tournée avec Skyrock. Eh bien, on rajoute 200 places pour Nekfeu et Escrew. C'est super, Nekfeu, Escrew. Ouais. Vous voulez aller les voir en concert, vous envoyez vite vos messages. En envoyant roulette au 72020, c'est comme ça que ça marche. Vous envoyez roulette par SMS au 72020 et ça va tourner. Et à vous les places de concert pour Nekfeu et Escrew. On fait tourner ça dans 5-10 minutes. Hein. Donc inscrivez-vous vite. Et dans un instant, ça tourne. Mais tout de suite, la compile du morning. La compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Et ouais, notre compile du jour avec les prunes et les flashs. Vous êtes déjà fait flasher? Moi, je me suis fait flasher en venant d'Italie cet été sur l'autoroute blanche. Je sais pas comment ils appellent ça. Je crois que c'est l'autoroute qui fait le Mont Blanc là. Ouais, c'est ça. Bah ouais, mais elle est en descente le truc et il y a des radars partout, donc forcément en descente. Oui, mais c'est tu marqué vas plus vite. Utilisez votre frein moteur. Ah ouais. Eh oui, c'est vrai. Ouais. Bah, c'est vrai qu'ils le mettent. J'ai pas vu. Ouais, bah ouais. J'ai surtout pas vu le radar. Hein. Ouais, surtout ça, ouais. Sinon, vous faites comme moi, dès que vous voyez un radar, vous freinez, puis après vous accélérez. Oui, bah ça, tout le monde le fait. Ouais. Non, c'est juste pour savoir. Non, bah oui. Bon, il y a des trucs qu'il faut pas faire. Quand moi, je mets le régulateur, moi. Tu mets le régulateur. Régulateur. C'est bien, ça. Je le mets à 135, je sais que sur la mienne, ça passe. Ouais, moi aussi. Mais des fois je me dis ouais allez je suis à ouf, j'essaye à 136, mais si ça flash, je vais être dégoûté. Non mais en plus quand tu roules à 136 ou 135, t'arrives 3 secondes plus tôt que prévu. Hein. Ouais. Attends, tu gagnes un temps de dingue. Bon, il y a 20 millions de Français qui se font flasher chaque année, c'est énorme. Hein. Mmh. Bah, il y en a encore plus, il y a des nouveaux radars qui arrivent encore. Oui. Ça devrait augmenter de 25% l'an prochain pour atteindre 844 millions d'euros. Eh ben, ils nous saignent quand même. Ah, ouais. Hein. Ah, ça va, ils sont bien placés les radars en ligne droite. Hein. Allez, la compile du jour. Eh ben, c'est parti, on y va. Numéro 3. Numéro 3, flashé à 202 km/h. Pas mal, ça s'est passé dans le Tarn. Ouais. C'est pas mal, surtout que le mec allait quand même à un stage de récupération de points. Ah, bah, il était en retard. Ah, bah, il était en retard. Donc le mec a décidé de... Oh putain, je suis en retard pour mon stage. Attends, je bombarde un peu. Alors qu'est-ce que je peux faire? Bah je bombarde. Bon, il a trop bombardé. Il mais 202 km/h, mais c'était quoi, sur l'autoroute? Oui, c'est déjà pas mal. Ouais. Non, sur une route départementale entre Castres et Albi. Ah ouais, le mec était plus de 100 km/h au-dessus. Ouais. 112. Ah ouais. 112 km/h au-dessus. C'est un peu beaucoup. Ah, c'est vrai qu'il est allé un petit peu plus vite. Du coup, j'imagine qu'il n'a pas récupéré son permis. Non, et puis il n'est pas prêt de récupérer non plus. Hein. Bah là, c'est annulation, je crois. Ah, okay. Il est là. Salut, man. Je crois que là, c'est terminé. Hein. T'es obligé de le repasser. Hein. Bon courage à lui. Ouais, alors attention. Numéro 2. Numéro 2, on file en Suisse maintenant avec un homme âgé de 20 ans qui souhaitait éviter une amende à sa copine. Pour éviter tout ça, elle s'est fait flasher. Il se pointe vers le radar, il prend son briquet, il prend du papier. Et il fout le feu. Et il fout le feu au radar. Ah ouais. Le problème, c'est qu'il y a une patrouille qui est passée à ce moment-là. Donc ça c'est con. Il leur a expliqué qu'il faisait un barbecue, ça n'a pas marché. Ouais, j'étais à peu près du radar, mais vous inquiétez pas. Pas de chance, le Suisse. Numéro 1. Et voici le numéro 1, ça s'est passé en Corse. Eh bien, c'est un Corse avec un scooter qui s'est fait flasher. Alors attention. Il pensait qu'il n'était pas identifié. Hein. Il s'est fait flasher 155 fois en un an. Ah, ah ouais, pas mal. Ah ouais, putain. Pas mal. Le mec croyait qu'il était pris en photo. Ah, une photo, je vais recommencer. Ah, oui. Je vais faire une photo avec mon flingue. Mais en même temps, c'est possible. Hein. Si le mec, admettons, c'est un radar double sens, il part au travail, il revient, déjà, ça fait deux fois par jour. Hein. Bah, 155 fois par an, c'est pas mal. Il a été rattrapé par la patrouille un jour, pas de chance. Ah, dommage. Et donc après, ils l'ont repéré. Il a dû payer 31 300 euros d'amende. Putain, aïe. C'est plus cher que le scooter, quoi. Et ça, c'est vrai qu'il aurait pu s'acheter un paquet de scooters avec. Ah ouais, c'est clair, même à garage, peut-être même. Bon, bravo. Enfin, bravo aux Corses. Bravo. Oui, bravo, il est premier de notre compile, quoi. Bon, oui, on peut le dire. Il est premier de la compile. C'est déjà pas mal. J'espère qu'il est content. 55 fois par an. C'est vrai que ça se récompense. Ouais, ça fait cher. Bon, faites gaffe si vous êtes sur la route. Bon courage à vous. C'est la compile du jour tous les matins, juste avant 9h. Il est 9h01. On fait tourner la roulette dans un instant. Roulette au 7-20-20 pour gagner Nekfeu et le Escrew. C'est sur Sky, évidemment. Oui, évidemment. Eh oui, évidemment. Ce soir, il est de retour dans la radio libre de Diffoul. Après sa cascade. Il faisait le kéké à côté de nous avec sa mobilèche.

à 9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. Et oui, le morning presque fini. Dernière ligne droite du morning. Profitez bien. Après, c'est pas fini parce que ça commence pour Fred. Fred, avec le son de Sky tout au long de la journée. C'est avec toute l'équipe. C'est Fred qui s'occupe de vous au moins jusqu'à midi avant notre grand retour ce soir et surtout, surtout le grand retour de Cédric dans la radio libre. Oh, quelle joie! Quelle joie, mais vous l'entendez? Il est content, Cédric. Le public est en délire. En délire. Et Cédric est content. Hein. Ce soir, Big Flo et Oli. Big Flo et Oli, ouais. À retrouver les deux Toulousains qui font la BO d'ailleurs du dernier Brace the Nice. Et plein de surprises. Et plein de surprises ce soir. 21h minuit, vous ne pouvez pas la radio libre. Mais avant ça, eh bien, on va faire tourner la roulette, la première roulette de cette journée. Tout au long de la journée, avec toute l'équipe de Skyrock, vous gagnez vos places pour aller voir Nekfeu et Escrew, les deux. En tournée, enfin les deux, ils sont plus que ça, parce que Escrew c'est un groupe, c'est le groupe de Nekfeu, et Nekfeu c'est Nekfeu. Ouais. Vous gagnez vos places de concert pour aller voir cette tournée dans toute la France, bah c'est parti. Escrew Boy. Ouais, ouais, c'est Nekfeu, dans la roulette sur Skyrock. Skyrock t'offre 200 places pour voir Nekfeu et Escrew en concert. Et ouais, en plus on a 200 places, on en a forcément deux pour vous. Vous faites tourner avec nous, et c'est qui va me faire tourner ce matin? C'est Benjamin. Benjamin, et ouais. Ben on va saluer Benjamin, bonjour Benjamin. Mais le coco et on démarre. Oui, bonjour Benjamin. Salut toute l'équipe, ça va? Salut Benjamin. T'es à Vernon, Benjamin, c'est en Normandie. Dans l'heure. Eh ben, il va faire beau aujourd'hui, cet après-midi. En tout cas, vous aurez du soleil. Vous serez... Mais Vernon, c'est la ville de notre Rémi des infos américains. Mais bah oui, mais c'est aux States, Vernon. Vernon dans l'état de New York. Jersey, ouais. Enfin, l'état de l'heure. Et oui, Rémi est de Vernon. Vernon. Benjamin, toi tu vas aller voir, j'espère, Nekfeu, Escrew, en tournée avec Skyrock. Tu dis stop quand tu veux. Stop. Tu fais quoi dans la vie, Benjamin? Charcutier traiteur. Ça donne faim. Ouais, ouais, ouais. Hein, Karim? Ah bah, mort, ouais. Petite blague très drôle. Mais oui. Allez, tu vas aller voir Nekfeu, c'est gagné. T'as tes deux places, Benjamin, bravo. Ah, merci, ça fait plaisir. Et ouais, tournée du Escrew et tournée de Nekfeu. C'est parti, c'est pour toi. Il passe notamment à Paris, t'es pas très loin. Hein. Non, pas très loin. Bon, ça va. Merci à tous. Oula. Tu as un coup de boule là. Eh, c'est lundi, Romano. Ah, c'est vrai. Tu travailles pas aujourd'hui. Eh ben, reste sur Sky toute la journée et toi tes places c'est fait. Par contre, vous tous et vous toutes qui vous êtes inscrits, vous pourrez gagner vos places de concert pour Nekfeu et Escrew tout au long de la journée. Salut Benjamin, bonne journée à toi. Salut boucher charcutier. Quand vous avez le réveil difficile. Charcutier traiteur. Excuse-moi, tu n'es pas branché. C'est Ben. Ouais. C'est Ben, c'est ça. Ça va, il est content, il est content. On se connaît, hein, on est là. Ben oui. Ah, vous vous connaissez? Bah, on est dans la même ville, wesh. Ah, tu vends du Rémi aussi dans ta charcuterie? Voilà, c'est Rémi fournit le boudin. Ah, bah, je Bah, salut Benjamin et le zap du morning tout de suite sur Sky. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Écoutez bien. Ça s'est passé ce matin. C'est le zap du morning sur Skyrock. Et oui, après les 35 heures de Cyril Hanouna la semaine dernière. Voilà, on vous en remet une petite couche. Allez, ouais, si vous n'avez pas eu assez, on en a encore. Allô? Oui? Comment ça va? Ça va, c'est de la part de qui, s'il vous plaît? C'est Cyril Hanouna! Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Brune ou blonde? Ma femme? Bah oui. Elle est plutôt orangée. Ah, ouais, je suis pas une belle femme, hein. Quoi, c'est un mannequin? Non, même pas. C'est chaud, hein, quand même, hein. Ouais, ça, plus tellement maintenant, hein. Ah merde. Ah oui, c'est bien embêtant, hein. Vous êtes magnifique en plus. Et on en parle aussi, hein, le grand retour de Cédric, événement ce soir. Mais c'est sans doute même l'événement de la journée. Exactement, c'est... D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Rémi des Infos ne le met pas en titre. Ah ouais, ouais. Tu réagis pas, non. Tu te souviens de lui ou pas, quand même? C'est qui, déjà? C'est lui. Rappelle-toi, Cédric, ce soir, le retour. Ah, mais il est content, ça fait plaisir. Et oui. C'est Monsieur Lapin, ce retoucheur photo, j'ai rencontré Jean-Luc au bistrot. C'est des conneries, ça. Non, je vais arriver dans 5-10 minutes, là. Tu me prépares un petit café, tu m'ouvres le Facebook de Jean-Luc, j'enlève la photo, je la modifie et c'est parti, tu me donnes 100 euros. Allez, je te dis à tout de suite, ma belle. Non, mais là, je vous prends au mot, je vous attends. On arrive. On arrive. C'est gentil. Nous, on va te prendre tout court, nous. Mais ça sera pas au mot, nous. On va te prendre 100 euros déjà, tiens, c'est pas mal. Voilà. Bon, on t'embrasse. À tout à l'heure, chérie. Salut, ma chérie. À tout à l'heure. Bisous, ma poule. Laetitia. Oui. Quelle est ta radio préférée? Skyrock. Et oui, Laetitia, tu viens de gagner 1 500 € en direct, Laetitia. C'est pas vrai. Oui, oui. Et c'est 1 500 € pour toi, Laetitia. Merci. Bah de rien, Laetitia. Laetitia Agen qui a gagné ses 1 500 € ce matin. Si vous voulez augmenter vos chances de gagner 1 500 €, vous vous inscrivez, vous envoyez 1 500 au 7 20 20. Ouais, c'est ça. Exactement. Vous l'envoyez toute la journée. Jour et nuit. Hein. Et le prochain coup, c'est peut-être vous qu'on appellera. Hein. 1 500 au 7 20 20 pour augmenter vos chances de gagner. Bravo à la belle Laetitia, on lui fait de gros bisous. Et demain, ce sera peut-être pour vous. Et puis si vous vous inscrivez pas, vous avez aussi la chance de gagner parce qu'on fait aussi des tirages au sort dans tous les annuaires de France. Ouais, ouais, ouais. On adore, on appelle, on vous demande quelle est votre radio préférée, vous répondez Skyrock. Et Skyrock. Il est l'heure d'en trouver Fred maintenant. Un des meilleurs moments de la journée, Fredo qui débarque. Le plus beau. De retour de Marseille. De retour de Marseille. Alors, comment c'était le Vélodrome avec Soprano? Parce que vendredi dernier, entre 20h et 21h, vous avez entendu Soprano, Jul et Fredo en direct du stade Vélodrome, mais rien que pour vous. En direct du plus grand studio de radio au monde. En effet. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai ce que tu dis, Fredo. Attends, on était dans le Vélodrome. C'est beau. On pouvait aller partout. Oui, dans les tribunes, sur la pelouse, partout, dans les, j'ai découvert les vestiaires, voilà, excuse-moi. J'ai découvert tout. Tu connais grave. Je connais le sous-sol du Vélodrome tout. Bravo Fredo, c'était magnifique. Bien, ouais, c'était top. Les Marseillais étaient super. Les Marseillais, on a fait une fête après, c'était magnifique. Ah mais on dirait tu vas supporter l'OM là. Calme-toi. Non, attends. On va rigoler déjà avec l'autre qui signe aujourd'hui normalement. Oui, McCouille. Ouais. On en parlait dans les infos. John McCouille, il arrive à Marseille, il rachète à la famille Dreyfus l'équipe de l'OM aujourd'hui. Vous changez aujourd'hui, de propriétaire. Aujourd'hui, il a les clés, ouais. Bon, bah en tout cas Fredo, c'était super pour le Planet Rap cette semaine. Planet Rap, c'est avec Tal. C'est Tal qui débarque tous les soirs. Ça aussi, on attend ça avec impatience. 20h, 21h, Tal, juste avant la radio libre. Et ce soir, on l'a dit, il est de retour. Ah. Eh oui, c'est Cédric. Il revient. Il revient. On est heureux. Ça s'entend. Prévoyez le karcher surtout à nettoyer. Hein. Ah oui, et puis on a prévu une soirée d'enfer. Il y aura aussi Big Flo et Oli qui voulaient fêter ça avec nous. Ils viendront nous rendre visite quelque part entre 21h et minuit. Ouais. Big Flo et Oli, Cédric, et puis surtout vous tous et vous toutes en direct dans la radio libre. C'est à 21h, juste après le Planet Rap, tous les soirs. Et ce soir, pour une soirée à ne pas louper, exceptionnel. Magnifique. On se prépare. Et toi, Fred, t'es bien prêt? Il est 9h14. Moi, je suis chaud, on peut y aller. On te laisse la main. Puis tout à l'heure, on se retrouve à 21h, demain matin, pour le morning aussi, entre 6h et 9h. Merci pour cette bonne matinée. On s'est bien marré, on se lundi. Et bien, on va se marrer demain, 21h minuit ce soir déjà. Et puis demain, entre 6 et 9. C'est ça. Allez, dodo. Et bonne journée. Bonne journée. Ciao. Ciao tout le monde. Ciao. À tout à l'heure. Ciao à toutes. Ciao. C'est parti à 9h15 pour le son de Skyrock. Bonne matinée, bon lundi à vous tous. J'espère que le week-end tout s'est bien passé. Rap R&B non-stop et une petite pointe de funk maintenant avec Bruno Mars. C'est ce qu'on va écouter. 24K Magic sur Skyrock. L'album arrive le 18 novembre. Magic in the air.

love.